Puis je vous demandais de fermer vos yeux, vous avez une certaine habitude avec moi. Vous fermez vos yeux, vous ne voyez rien, vous êtes dans une douce torpeur et en fait, chacun d'entre vous est dans son petit monde. C'est un bon moment pour vous parce que c'est un de ces rares moments de calme en dehors du souffle, de la souffle qui règne, en dehors des difficultés qui sont présentes sur sombre terre ou en dehors des complications de la vie dans Phénis et puis la survie pour beaucoup de personnes. Et en fait, c'est donc un de ces grands moments où vous êtes vous-même, d'introversion, où vous pouvez penser à Pandémon, qui suis-je, Gibson, que vais-je jouer à la prochaine session de sa danse sur les échafaudages, ou bien éventuellement Gibson, est-ce que je récupérerai cet objet de l'avant que j'ai pu obtenir il y a quelque temps. Et en fait, dans vos moments personnels comme ça, vous avez ces moments où quelque chose revient, où vous faites des rêves, vous pensez, vous avez quelque chose qui est assez personnel. Et je vais vous inviter, en vous appelant l'un l'autre, vous gardez vos yeux fermés, mais je vais vous proposer de raconter votre rêve. Ce rêve que vous avez probablement au moment même où vous le racontez, un rêve bien sûr personnel, particulier, ou un rêve que vous partagez sans difficulté, qui correspond à vos personnages. Pandémon, veux-tu me raconter quel est ton rêve? Imagine-le. En fermant les yeux, tu l'imagineras mieux. Mon rêve, c'est que la lumière de Solar se répand sur Phénis. Imagine-le. Et que l'enveloppe tout Phénis, ce ne soit pas juste une vague lumière, mais vraiment éblouissant et une chaleur réchauffante et qui nous nourrit, qui nous fait grandir. Une lumière qui s'épandrait au-delà de nos murs, au-delà de Phénis, et qui vaincrait tous ces champs créatures. Voilà, c'est mon rêve. Bon, merci pour des bonnes. C'est un bien beau rêve. Il réchauffe le cœur. Gibson, veux-tu partager ton rêve avec nous? Mon rêve, ce qu'on voit, c'est des enfants qui courent dans un couloir, une série de couloirs. Ces couloirs sont assez larges et généreux. Les enfants ont la place pour jouer les uns avec les autres, courir les uns après les autres. Donc ces enfants courent dans un couloir et jouent. Quand l'un d'entre eux les croise et leur signale de le suivre avec excitation, ce en quoi ces autres enfants lui emboîtent le pas. Et il rentre dans une salle de proportions généreuses, qui manifestement fait office de réfectoire, de cantine. Et une salle que vous reconnaisseriez comme étant la salle du fou volant, avec encore son mobilier fait de bois tel qu'il était auparavant. Et manifestement, la salle sert de réfectoire à ses enfants. L'endroit est spacieux. Pandémon arrive, portant un plateau où sont disposés des mets généreux, encore fumants. Et dans ce lieu, il y a une excellente ambiance. Tout le monde semble être heureux. Et après le repas, Gibson monte sur scène pour jouer une chanson calme, détend tout le monde avant d'aller se retirer pour aller se coucher. Merci Gibson. Et Merlingère, à quoi rêves-tu? Il fait froid et je cours. Fait noir, je ne vois rien, je suis dans un labyrinthe, je cherche quelque chose. Il y a des murs partout. Et je sais que quelque chose approche, quelque chose approche et veut me détruire. Je sais, je, Je sais que la fin est proche. J'entends des cris éclos. J'entends la voix de Gibson qui chante, qui essaie encore de donner une note d'espoir, d'amener une lumière dans ce monde. Mais même lui ne peut pas porter ça. J'entends la voix de Pandémon qui continue de crier sa foi en Solar. Je l'entends encore lutter contre les ténèbres, mais même elle ne peut pas. Il y a Rook, pas loin, qui continue à accompagner, qui me donne des idées, qui continue de suggérer des choses. Mais je continue de courir en rond, je ne sais pas où je vais. Je monte, je remonte une tour. Et puis j'arrive face à cette espèce de construction pleine de miroirs. Et je commence à fouiller, je commence à actionner des mécaniques, à essayer de comprendre ce qui doit se passer. Et je sais que quelque chose doit se passer, je sais que je dois faire quelque chose, je sais que je suis le seul à pouvoir le faire, mais je ne trouve pas. Et puis, soudain, à un moment, il y a comme un déclic dans ma tête. Une étincelle, c'est le mot. Et quelque chose émane de moi, et monte en virevoltant, et s'installe devant une structure de miroir. Et dans ce coup, il y a un flash. Tout s'illumine autour de moi. Et je vois. Je vois à plusieurs kilomètres devant moi. Je vois de la couleur. Je vois de la lumière. Je vois de l'eau qui coule. Je vois le ciel. Et puis je me réveille. Et ce réveil est applicable pour l'ensemble d'entre vous. Je vous propose de continuer à garder vos yeux fermés. Ce réveil est applicable pour l'ensemble d'entre vous. Vous vous réveillez, mais en même temps, vous n'êtes pas totalement sûr d'être vraiment réveillé. Dans un cas en particulier, cette lumière, qui est très très forte, au-delà de vous, qui illumine et qui réchauffe l'intégralité de Phénix, est une lumière qui se rapproche. Elle se rapproche très très vite, et elle s'effondre autour, en représentant un énorme soleil de Sirte. C'est un gigantesque soleil de Sirte qui est tombé directement sur Phénix, qui en s'écroulant, en tombant autour de toi, Pandémon, tu l'as vu apparaître, il est tombé, il est gigantesque, il fait la taille de Phénix. Et ce symbole se métamorphose, rétrécit, se métamorphose et devient quelque chose d'extrêmement petit, auquel je reviendrai d'ici peu. Gibson, de ton côté, le fou volant vient d'exploser. Au milieu de cette musique douce que tu étais en train de faire, avec les enfants qui jouaient autour, qui étaient ravis d'écouter, le fou volant vient d'exploser. Et il vient d'exploser, et au loin, cette forme, le soleil de Sirte que vous avez déjà vu, se rapproche, elle illumine tout, elle est très présente, elle a bloqué tout le monde, les enfants se sont arrêtés, ils n'ont pas peur, mais ils n'ont pas nécessairement de joie ou autre, ils sont comme bloqués, et le soleil de Sirte se rapproche. Même chose, ce que tu as vu, toi, Merlin Gérin, lorsqu'il y a eu cette explosion de lumière, qui juste avant ton réveil, elle a représenté le soleil de Sirte. Cette espèce de symbole assez étrange, formé comme d'une boule coupée en deux par une espèce de crevasse, avec des pointes, 8 pointes qui partent dans chacune des directions. Ce soleil, petit à petit, prend l'intégralité de votre vision, est vraiment devant vous, il représente tout, il se casse, il s'ouvre plus et se sépare en deux parties. Et au centre, il y a une lumière un petit peu plus forte. Il y a un bruit de vent très très présent. Il y a comme un léger mouvement qui vous fait bouger à droite et à gauche. Et vous voyez une créature étrange. Une créature anormale. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Cette créature doit faire à peu près cette taille-là. Elle a une bouche pointue, noire, entrouverte, deux yeux noirs, agressifs. La tête doit faire à peu près cette taille-là, est ronde. Et le poil qui la recouvre est un poil beaucoup plus épais, fin, en quelque sorte fin, mais large, très large. Les yeux noirs qui vous regardent directement semblent percer votre cœur, votre regard, votre cerveau, vous ne savez trop. Mais vous le voyez au milieu de cette lumière qui était le soleil de Sirte, vous en êtes sûr, mais qui maintenant ressemble plus au dehors. Et cette étrange créature possède deux bras plutôt larges qui sont légèrement sortis de son corps et deux jambes qui font à peu près cette taille-là, mais très fines, noueuses, extrêmement fines et noueuses. Et en vous regardant, elle fait « quoi ?» et elle s'envole. Et vous êtes réveillé, vous vous rendez compte que vous êtes réveillé maintenant. Vous êtes quasiment les uns sur les autres. Vous vous rappeler des échafaudages. Et le mouvement que vous ressentez actuellement, c'est le mouvement des échafaudages. C'est le mouvement du vertige dans lequel vous êtes actuellement. Le vertige étant ces habitations qui sont les unes sur les autres, constituées de métal et de plastique, souvent représentant une pièce, éventuellement deux pièces, pas particulièrement grandes, et qui sont maintenues entre elles, ou les unes sur les autres, avec des tubes de métal, qui sont plus ou moins accrochés, avec des filaments de métal, des morceaux de roeg, on ne sait pas trop. Et vous vous souvenez que vous êtes endormis dans cet endroit, tous les trois, avec Criard aussi, oui Criard, ce jeune homme que vous avez rencontré au Grand Rêve, la journée précédente, qui vous avait invité d'ailleurs à la soirée d'aller aller chez lui, qui était tout en haut des échafaudages. Et tout en haut des échafaudages, c'est lorsque vous aviez cette vue absolument magnifique sur Phénice, et c'est en discutant, c'est en passant une bonne soirée, que vous êtes en fin de compte endormi, et que vous vous réveillez maintenant brutalement après avoir fait ses rêves. Et ce que vous avez vu, quelque chose d'étrange. Vous n'avez jamais vu quelque chose de vivant, de petit, s'envoler devant vous. On l'a vu en vrai, ça. Et c'est sur ce réveil, alors vous avez entreaperçu des choses similaires, de par le passé. Mais... On n'a jamais vu d'oiseau. Ben, pas vraiment. On en a vu dans... Il y avait eu un événement. On en a vu dans le ciel, mais on... Ouais. Jamais... Pas particulièrement, non. Non, non, il n'y a pas d'oiseau dans le ciel. Ou tout du moins, s'il y en a, ils sont très rares. Jamais allé à la... Non, je ne sais pas encore aller à la volière. On en a parlé. Et non. Donc, en l'occurrence, vous en avez vu un, noir, devant vous, d'une certaine taille, et c'est ce qui vous a réveillé. Et il s'est envolé. Un moment assez, assez unique en son genre. Mais... Le souffle que vous avez ressenti auparavant est bien présent. Les échafaudages bougent. Les vertiges sur les échafaudages bougent beaucoup. Criard n'est pas parmi vous. Vous venez de vous réveiller. On est dans une phase où la luminosité est très légèrement plus forte que d'habitude, mais le souffle est bien présent. Et tant bien que mal, vous vous réveillez. C'est le matin, c'est ça? Alors, matin, le concept de matinée est un concept vague. Mais en effet, les Phéniciens essaient plus ou moins de dormir à peu près au même moment. Criard n'est plus là. Et quand l'entendez partir? Vous ressentez les légers mouvements? Non. Je sais pas pour vous, mais je commence à me sentir pas bien. On va descendre. Les mouvements ne sont pas significatifs, peut-être une vingtaine de centimètres, mais ça se ressent. Vous êtes dans une seule pièce, hein, et du coup, il y a un mouvement. Tu pourrais rester à l'écart de l'alcool de roeg, Berger, ça ne te réussit pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, on va faire comment pour rencontrer l'ordre? On vous trouvera bien comme chaque fois. Ouais. On peut retourner juste simplement. Je suis mal réveillé. Comment ça s'appelle cet endroit où j'ai joué hier soir? Le grand rêve. Le grand rêve. Hein? Ah, t'es là avec l'alcool de roeg, Gibson, ça te réussit pas? J'ai pas bu. Mais... T'as aller là, voir si on peut prendre un petit déjeuner. De toute façon, je pense que c'est plus ou moins sur le chemin pour rentrer même à l'orphelinat. Ouais. C'est plus bas en tout cas. Bon, bah, allons-y. Allons-y. Allez hop. Tant bien que mal pour certains d'entre vous, avec beaucoup plus de facilité pour les autres, vous vous levez, vous commencez à vous rapprocher du bord du vertige sur lequel vous êtes, qui est en fin de compte une petite plateforme, hein, avec juste une petite cabine et des tubes de métal qui descendent. En fin de compte, c'est là que vous vous rendez compte que vous distinguez que vaguement le sol, vous êtes quand même assez haut. Descendre va impliquer un minimum d'acrobatie. Si je regarde pas en bas. D'une certaine manière, c'est pas si gênant que ça. Il n'y a pas tant de distance. Si tu regardes droit devant toi, par contre, tu distingues une des surfaces du volcan qui monte de manière assez vertigineuse. Des quoi? Ah, qui monte, ok. Qui monte devant. Okay. Un flanc de volcan. Oui, vous êtes sur un des bords. Les échafaudages sont sur un des endroits les plus étroits de Phénice. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'ils grimpent, qu'ils sont construits, que les vertiges sont construits directement sur le bord du volcan. Ainsi donc, vous retrouvez rapidement le... Alors, je ne peux pas vraiment parler de chemin, car il s'agit plus d'une descente et de, de quelques acrobaties pour pouvoir essayer de retrouver le grand rêve. Je vais vous inviter quand même à faire un rapide petit jet d'agilité, si vous le permettez. Agilité, grimper. Il y a des aides, il y a des cordes, il y a des tubes, il y a un peu de tout. Ça, je sais. Deux. Si c'est en double à chaque fois. Deux succès. Ah oui, c'est vrai. Je vais utiliser un point d'énergie. Vous avez récupéré de l'énergie pendant la nuit ? Oui, vous avez récupéré un point. Ah bah c'est parfait, si je dois pas le... Très bien. Alors, Gibson descend avec un pied et puis un bras, quasiment. Retrouve relativement bien son chemin. Il est suivi immédiatement de Merlin Gérin et de Pandémon. Vous retrouvez l'emplacement où vous avez été... vous avez passé une partie de la soirée, qui est donc le grand rêve. Ils ont sécurisé le bousin un peu ? Pardon ? Ils ont sécurisé le bousin ? Alors en fait, le souffle est très présent actuellement. Il fait un peu froid. Il y a, à cause du souffle, une certaine dose de poussière un peu partout. La visibilité est réduite à probablement 3 personnes, 4 personnes de longueur par rapport à vous. Et lorsque vous arrivez, en fin de compte, sur la plateforme principale, vous venez sur cette espèce de petit pont qui était constitué de plusieurs planches de plastique, si je me souviens bien, plastique ou métal, et qui menait directement au grand rêve. C'est à peu près tout ce que vous pouvez voir. Vous pouvez voir, en fin de compte, si les tubes de métal qui le retient ont été vraiment renforcés. Mais le souffle étant très très présent, vous sentez que la structure, dans son intégralité, grince. Il y a des mouvements que vous ressentez au niveau de vos pas. Ça ne veut pas dire que ça vous rend le pas plus difficile, mais ça veut quand même dire que le ressenti est là. On n'ira pas parler nécessairement d'une envie de se sentir d'être malade, mais c'est limite quand même. Ce vent aussi est particulièrement fatigant. Vous êtes obligé, pour ceux qui en ont, de remettre un chèche devant le visage pour essayer de retenir les poussières qui ont tendance à vous faire tousser. Et vous retrouvez devant cette planche, mais il n'y a personne. Ou vous vous êtes réveillé un peu plus tôt que la plupart des personnes, des fouineurs, des échafaudages, ou bien ils ont décidé de partir ailleurs. Il y a un bruit permanent de Phénix qui est retranscrit sur ton de l'artère qui est en bas, mais il n'est pas plus fort que le souffle. La souffle est vraiment très très brillante aujourd'hui. Vous êtes devant ce petit passage qui vous mène directement au grand rêve. Bon bah... Oh. D'accord. Je vais estimer qu'en fonction des dés, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a d'abord Gibson qui passe premier, ensuite, l'ordre du GD, ça va être Merlin Gérin, Merger, et puis Pandémon. Oui, on s'en fiche un peu. Pardon ? On s'en fiche un peu. Ou enfin, vous êtes les uns derrière les autres. Hein. Oui, non, je veux dire, on n'y prête pas attention. Non. Et c'est uniquement... La raison pour laquelle je vous dis, c'est qu'en fin de compte, tu es le premier à réaliser que lorsque tu te rapproches de l'entrée du grand rêve, qui était donc une porte plus ou moins retenue par une espèce de paravent qui pouvait se fermer sur le côté, qui ne retenait pas vraiment la soupe ni quoi que ce soit, le paravent est ouvert. Derrière, il y a Lila qui est en train de parler avec quelqu'un, une personne qui a un chèche de rouet qui est remonté, une capuche de rouet qui est remontée, qui est habillée de rouet plutôt long, avec des trous un peu abîmés sur le côté, donc le fouineur de base, hein, en quelque sorte. La seule chose qui est notable... C'est Gibson le premier. La seule chose qui est notable, pardon ? C'est moi le premier. Gibson, oui, absolument. Donc Gibson, tu remarques ça. La seule chose qui est particulièrement notable, et c'est Pandémon qui le remarque, je vais quand même l'annoncer, mais c'est une information spécifique à Pandémon, c'est que Lila est un peu plus raide que d'habitude. Donc vous approchez au niveau de l'entrée. Cette personne, vous ne voyez pas son visage en train de parler à Lila. Ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur, juste au niveau du bar. Vous vous rappelez, le bar était juste à l'entrée, juste à droite de l'entrée. Et vous étiez assis à l'opposé du bar par rapport à l'entrée. Et à gauche, il y avait la scène là, qui avait été monopolisée de manière très efficace par Gibson, ainsi que quelqu'un qui martelait sur un pauvre tonneau ou tonnelet de plastique. Je prends place à une table, pas trop loin, mais j'essaie de faire pas trop de bruit et d'essayer de capter leur conversation. Tu passes à côté d'eux, puisqu'ils sont en fait au niveau du bar, juste à l'entrée. En passant, Lila vous fixe. La personne qui... La personne qui semble discuter ne tourne même pas la tête. Est-ce que j'entends ce qui se passe? Le non-silence est fait exactement au moment où vous rentrez et que tu t'avances. Tu t'avances donc vers une... Que je m'installe, mais tu sais, je baisse pas encore mon voile ni ma capuche. Je fais genre que je suis pressé de m'asseoir pour me reposer, mais que je ne m'embête pas encore à me découvrir de mon voile, etc. quoi. D'accord. La tête de la personne se tourne dans ta direction quand tu passes. Okay. Et tu t'en rends compte au moment où tu t'assois que tu l'as. Et mon instrument est plutôt, tu vois, assez rapidement sous la table que je fais en sorte de ne pas trop afficher d'éléments distinctifs de ma tête. Tu vas quand même faire un G. C'est pas comédie, si je me souviens, c'est représentation, s'il te plaît. Il a une visage, ce monsieur. Voilà, c'est ça qui est fait. Pardon ? Parce que voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Ça. Donc, Gibson, tu passes juste derrière. Donc, la personne a tourné sa tête en regardant Gibson et le silence s'est fait. Il n'y a que deux personnes dans l'ensemble de la pièce. Toi, tu marches juste derrière en passant. Tu tournes donc la tête pour dévisager cette personne qui, elle, garde manifestement la tête un peu baissée, la capuche de rug baissée, la zone d'ombre rend pas son visage très très visible. Tu distingues une bouche un peu longue, un peu émaciée, et puis éventuellement un menton un petit peu en galoche. Et ça fait près tout. Pas de cicatrice ? Pas visible au niveau du menton. Okay. S'il y en avait une, parce que tu vois essentiellement le menton. Bonjour Lila. Bonjour. Et donc tu passes derrière, tu sens qu'elle est bien droite et nerveuse. Est-ce que je remarque quelque chose de particulier sur son interlocuteur ? Vous allez me faire tous les deux un sens observer. Donc tu fais ça, elle a fixé Gibson, elle a fixé à Berger, tu n'as pas à te regarder toi au moment où tu fais ça, tu lui dis à ce moment-là, elle ne réagit pas du tout. Un succès, trois succès. Avec deux. D'accord. Sur un léger mouvement, à un moment, tu distingues en effet une cicatrice qui apparaît un petit peu au niveau de la joue. Et c'est à peu près à ce moment-là que la personne se retourne aussi, te dévisage toi, et commence à partir. Je vois encore un peu, parce que je l'ai déjà reconnu. D'accord. Le réflexe est quasiment instantané pour toi, qui te lève, qui fait demi-tour. Qui part. Ah, je fais encore ainsi, je pense. Mais... Ouais, c'est ça, tu te diriges vers un truc, tu fais demi-tour, tu as regardé, tu fais demi-tour, tu repars dans l'autre sens, au même moment, lui commence à partir. Regardant un petit peu derrière, voit ça part aussi au triple galop. Donc là, c'est galop instantané, quoi, des deux côtés, de tous les côtés. Donc attends, galop pour se précipiter à travers l'embrasure de la porte d'entrée, c'est ça ? Oui. Okay. Oui. C'est grand pas à grande distance. C'est grand comment, la pièce ? Alors, la pièce faisait à peu près 6 mètres sur 4 mètres, à peu près. Ah, donc et c'est un petit... Il y a un petit bar qui est juste 1,5 mètre à peine sur l'entrée, et la personne est à 1 mètre de la porte, quoi, hein. Et donc s'engouffre directement au niveau de la porte vers le petit pont. Toi qui étais assis, toi qui commencé à avancer, au même moment tu y a Merger qui te rejoint illico en faisant demi-tour. Il s'éloigne tous les deux de moi, hein. Il passe pas à côté de moi, ce mec. Non, absolument du tout. Toi t'es à l'opposé. Je suis à l'opposé. Bah, t'es pas complètement à l'opposé en diagonale, mais t'es parti t'asseoir à côté de l'endroit où vous étiez assis le soir précédent. Bah, je vais les laisser faire, hein. Je vais les jouer. D'accord. Chope-le, crie-je. D'accord. Bien. On va commencer par un petit peu de... Sagilité... Donc on va commencer sur un hargne. Hargne surprendre pour chacun d'entre vous, s'il vous plaît. Et donc ça va être le symbole de la vitesse à laquelle vous réagissez par rapport à lui, en fin de compte. Deux là-bas, un ici. Trois succès. À trois, excuse-moi, bien sûr, j'ai pas vu quatre, hein, d'accord. Il a réagi particulièrement rapidement, il s'est déjà engouffré au niveau de la porte. Toi, en fin de compte, tu as réagi rapidement aussi parce que c'est toi qui as déclenché l'affaire. Donc tu rattrapes un petit peu, tu arrives au niveau de la porte, et derrière, il y a Pandémon qui commence à peine à se retourner, en fin de compte. Donc, lui, plaquer, en fait. Il est en train de s'engouffrer directement sur le pont en courant. Donc toi, tu vas sauter pour essayer de le plaquer. Ouais. Et ben on va commencer de ce côté-là. Alors là, par contre, c'est plus de l'improvisation, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est de l'arme agressée, s'il te plaît. Agressée. Je peux mettre un point d'énergie. Tu peux mettre un maximum de points d'énergie correspondant à la moitié de la moitié, je crois, de ta de l'ensemble de. D'accord. Du coup, je mets un point d'énergie. D'accord. Est-ce que vous faites le docteur? Tu attrapes du bout des doigts sa cheville. Au même moment, lui est en train de s'élancer vers le pont. La cheville, qui est bien attrapée, qui est un peu coincée, n'a pas envie de bouger, alors que tout le reste du corps est en train de s'élancer. Et on appelle ça une jolie chute roulée-boulée dans le vide à côté. Mais je le tiens. Il va rouler. Maintenant, on va commencer à parler de force, là, pour être capable de tenir quelqu'un qui est quand même lourd, en le tenant juste par le bout de la cheville. Il est tombé dans le vide. Ah bah là il a perdu l'équilibre total. Il est tombé à plat sur le pont. Il a pas fait exprès. Oui, mais c'est pas grave. Oh shit. Bah ok. Merci, on refait une chose qu'on a. Bon, force, c'est ça. Ça va. D'une certaine manière, les bonnes odeurs, vous avez une certaine habitude à Fénix. De toute façon, avec mon nez défoncé, je t'avoue que personnellement, je respire cette barrière. Respire un petit par la bouche, c'est ce que je veux dire, mais l'infection, ça passe généralement par le nez. Puis j'ai broché devant le nez. Les silences, c'est pas rigolo. Le sang colle. Hein? Le sang colle. Ah ouais, le sang colle, oui. Le sang colle. Oui, on s'en colle. Donc. Bon, je t'appelle comment alors? Alors, en fin de compte, tu l'as retourné pour qu'il puisse te voir, plus ou moins, quoi. Tu as retiré, t'as la gueule un peu ensanglantée et compagnie, tu retires ses lunettes, tu le vois, t'as la description que je t'ai fait juste avant. Il a des espèces de lunettes plus ou moins. Que les autres, non, ils l'ont jeté dans le vide. Ils ont retiré une multitude de choses, ils n'ont pas retiré ses lunettes. En particulier. Parce qu'à un moment, t'as dit qu'il prenait son chat. Ah oui, ils ont jeté les trucs, le chat et compagnie, les lunettes pour l'instant. Ils ont fait le coup de la main avec sa tête. Voilà, ce sont des gentlemen cambrioleurs, c'est gentil. Bon, alors, vous savez comment? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Non, t'aimerais bien savoir ce que tu fous ici, en fait. Tu sais, t'en bêtes la dame là-bas. Mais si je vous le dis? Si tu nous le dis, je pense que tes chances seront bien meilleures. Mes chances de quoi? Des choses, de pas finir ma vie et tout ça, quoi. Vous allez me tuer? Non. Vous allez me laisser partir? Il y a un truc, je pense aussi. Bah, t'es pas là. Ah, elle te rejoint rapidement. Je suis Gibson. Ah, excuse-moi, j'ai pas du tout capté le truc. D'accord, très bien. D'accord, donc c'est parti. Tu peux intervenir dès que tu veux, mais. Ouais, d'accord. Je discute quand même. Ok, dans ce cas-là, je vais faire une pause de ce côté-là, je vais discuter avec Gibson spécifiquement. Très bien. Lila est avec toi, elle vient de t'offrir un bol d'une substance à base de... Ah oui, Greg. Et qui a une bonne odeur, particulièrement sucrée. J'adore cette variété de Greg. C'est une très bonne variété, et en effet, il doit y avoir autre chose. Et elle a pas vraiment de fierté quand elle te l'offre, parce que manifestement elle est toujours sous tension, elle est toujours tendue. Et elle te le donne, et donc tu as bu ta pain à gorgée, et ça t'a rafraîchi en même temps que ça t'a réchauffé. Quand elle a posé la soupe, alors que ça peut appartenir, je vais lui attraper la main. Elle se retourne Doucement. Assieds-toi. Elle s'assied à côté de toi en suivant tes instructions, légèrement gênée, légèrement soumise. Je souffle un peu sur ma soupe. Je la goûter un peu. Elle est bonne. Elle est bonne, elle a quelque chose de différent de la soupe du fou volant. Il y a une différence de qualité certaine, dans le sens où elle est plus âcre, mais il y a un goût à côté qui sort de l'ordinaire. Elle a été mélangée avec autre chose. Il y a un certain... Elle est plaisante. Et elle est chaude, et ça c'est important. Elle est excellente, cette soupe. Et il y a un petit goût derrière que je n'arrive pas à déterminer. C'est Smeagol qui m'a... Qui a créé cette recette. Elle a beaucoup de succès ici. Et c'est pour ça que de temps en temps, on a des marcheurs aussi qui viennent ici, et qui viennent de loin parce qu'ils connaissent le grand rêve et Smeagol. Et oui, ça a un certain succès. Je suis ravi que tu l'apprécies. Maître Gibson. J'espère qu'un jour je te connaîtrai assez pour que tu me confies le secret. Je fais un clin d'œil. elle sourit d'un sourire un peu crispé. Alors dis-moi, ça fait longtemps que tu travailles ici ? Oh, bah, ça fait plusieurs mois que j'ai trouvé ce travail. Et oui, Signagol est un bon maître. Il est. C'est un endroit où la violence est moins présente, parce que Signagol lui-même a le point solide, et lorsqu'il y a des patrons qui font des bêtises, il a souvent le dernier mot. Et d'une certaine manière, ça rend cet endroit un petit peu plus sûr. Et puis, il a toujours été un homme. Je vais lui poser des questions un peu mondaines sur ses débuts ici, quoi. Et l'idée, c'est que je, par mes questions, faire progresser un peu dans le temps de son passage ici, pour arriver progressivement à poser des questions sur les événements les plus récents et essayer d'apprendre de quoi il en retourne concernant les événements les plus récents. Tu vois, une manière de l'amener à en parler doucement. D'accord. On va faire ça un peu rapidement, du coup, via, on va dire, communication empathie, s'il te plaît. Communication empathie. Je veux juste que tu diriges un peu les questions de manière à ce que ça la mette en confiance. Je vais utiliser un point d'énergie. Magnifique jet. Je vais jeter 6 dés. Ça donne. Oui! Alors, ça me fait 7 succès. Quels sont vos mots? Plus le RP. Au travers des prochaines minutes qui vont s'ensuivre, elle va se lever, aller se récupérer quelque chose, une soupe pour elle-même, s'asseoir à côté de toi et rapidement se lancer dans une description de sa vie qui est dans un niveau de détail au-delà de ce que tu voudrais savoir. C'est une vie qui correspond à une vie comme on peut l'avoir à Phénis, pour une femme. Qui souffre d'une présence d'attention qui est au-delà de ce qu'elle voudrait avoir, de la part de personnes qui ont une musculature surdéveloppée et qui se sont appropriées sa personne au-delà de ce qu'elle voudrait l'admettre. Mais heureusement, son frère, Criard, a réapparu et a commencé à l'aider, plus ou moins, de par sa présence et à la soutenir. Elle s'est trouvée ce travail avec Signagol, elle orpheline comme son frère, donc en l'occurrence, qui lui s'est montré un employeur et un bon maître, qui n'est pas une personne mauvaise, c'est une personne qui veut juste maintenir son travail correctement. Signagol. Ok. Et en l'occurrence, elle est adorable. C'est une jeune femme adorable. On ne peut pas dire autrement. Mais elle est plate, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à elle, au-delà du fait qu'elle essaye de survivre comme beaucoup de personnes. Lorsque tu arrives, la discussion liée à ce qui a pu se produire, en fin de compte, c'est du jour au lendemain, il y a cette personne qui est apparue et qui a commencé, alors que Signagol est tombé malade de son côté. et qui a commencé tout simplement à effectuer un chantage. Mais un chantage plus par je suis plus costaud que toi, j'ai une arme, si tu fais des bêtises, je te tuerai. C'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus brutal. C'est un jeune homme qui faisait ça, un jeune homme qui est impressionnant à cause de sa balafre, qui semble en avoir vu pas mal. Et c'est un jeune homme qui, a priori, ne devrait même pas exister en Phoenix car il n'a pas de cristal. Le fait qu'il n'ait pas de cristal fait lui un hors-la-loi, donc par définition, il n'a rien à perdre. Ce qui lui a fait peur. Ce qui lui a fait peur. Et cette peur est devenue très très forte. Bon, ça fait pas particulièrement longtemps que c'est lui, mais c'est pas le cas. Et elle a commencé à en parler à Criard, mais à peine à aborder le sujet. Et en fait, très étrangement, vous êtes apparu à ce moment-là. Et elle s'est dit que n'importe quelle opportunité pour pouvoir avoir une solution à ce problème est une bonne opportunité. Et très rapidement, tout ça, elle se retrouve quasiment dans tes bras, quasiment à pleurer parce qu'elle a peur, elle ne sait pas quoi faire. Et elle est heureuse que vous soyez là et elle espère que vous allez l'aider dans ce cadre-là. Donc, c'est quasiment dans cette situation que tu te retrouves. Ok, bon, je vais, il n'y a pas des détails qui lui reviennent particuliers par rapport à cette personne qui aurait marqué un tatouage, un symbole qu'il porterait, ou il aurait fait une mention d'un groupe, je pose pas ça en but en blanc, mais bon, tu sais. Oui, d'accord, dans l'ensemble, les quelque chose qui sortent de l'ordinaire sont qu'il a fabriqué son arme lui-même, un peu comme n'importe qui dans Phoenix de toute manière, que son arme a l'air d'avoir été utilisée, elle est un peu abîmée, elle a des échancrures au niveau de la lame et compagnie. L'autre chose qui sort de l'ordinaire, c'est qu'il a émis un mot sur le padré. Et enfin, elle ne serait probablement pas la seule victime, mais sa maladresse à l'aborder, à la menacer, etc., qui a contribué à la mettre un peu en peur, à lui faire peur, donne à penser qu'elle serait peut-être une des premières victimes, ou une des victimes où bien elle ne saurait pas vraiment s'exprimer et aborder ses victimes. Et, d'une certaine manière, ça n'a pas aidé à la mettre à l'aise. Au-delà de tout ça, il n'y avait pas de choses particulières, il arrivait toujours avec les mêmes vêtements, à peu près toujours de la même manière, quand il n'y a pas grand monde au grand rêve, il a tendance à éviter les autres gens autour, et il a tendance à garder sa capuche en bas pour éviter de montrer qu'il n'a pas et qu'il n'a jamais eu, a priori, de cristal. Il voulait 300 luttes. Ok. Quand tu me dis qu'il a mentionné le padré, elle dit qu'il a mentionné le padré, je disais le padré, c'est pas un truc dont tout le monde a entendu parler. Elle ne sait pas de quoi il s'agit. Ah, okay. Elle a dit juste le mot padré est sorti au milieu des discussions et c'est un des mots qu'elle n'a pas compris. Ok. Okay. Bon, voilà, je la rassure. Que on va. Mandémon arrive. Ok, parfait. On l'a attrapé, mais on doit quitter le quartier. Viens. Ok, je fais une petite tapote sur sa main et je cligne de l'œil. Il y a un sourire au milieu des larmes. Une petite tape dans le dos et j'y vais. Comme un gros chef, tu vois. Méga. Qu'est-ce que vous allez en faire? Il ne va pas revenir, hein? Il ne va pas se venger sur moi? Il ne reviendra pas. N'y pensez plus et. Ne mentionnez pas ce dont vous m'avez parlé. Veillerons au grain. S'il y en a d'autres qui reviennent, je vais vous demander après vous. Vous me faites savoir à votre frère. Comment je peux vous trouver? Demandez à votre frère. Ah, d'accord, il vous connaît alors. Hein. Oui, autrement. Merci. Elle a juste assis dans un coin un peu plus lourd qu'elle en avait l'air. D'accord, vous sortez. On revient sur toi. Très cher Merger. Ok. Il sent toujours mauvais, mais tu le sens pas trop. C'est super. Franchement, j'ai jamais été aussi vite balayé. Bah, il sent quelque chose avec son nez? Bah non, justement. Donc, tu t'appelles comment? Et tu viens d'où? T'as pas de cristal, tu viens d'ici? Non. Tu viens d'où? De dehors. Ouais, mais d'où dans le dehors? T'as grandi où? Trois jours de marche dans un de l'hypothèse de Silice. Oui, je pense. Je viens de... Ma famille et mon clan sont morts et puis j'étais dans l'obscur et puis je suis ici maintenant. Est-ce que tu crois au solar? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il a l'air ça, c'est à cet aspect? Ça m'a pas dit. Et d'où est ce solar? Et Solar est là pour notre vie à tous. Le phénix s'occupe de nous et nous réchauffe le cœur, n'est-ce pas? Le sphinx. Il est là pour nous réchauffer le cœur et il est avec nous et je l'adore, oui. Et pour vous dire la vérité, je ferai tout pour vivre à Phoenix. Oh, je vois ça, de me mentir. Alors, ça va pas marcher comme ça, d'accord? Déjà, c'est pas le Sphinx, c'est le Phoenix. Oui, non, c'est Phoenix. Ouais, tu viens de dire Sphinx. Alors, arrête d'essayer de me bourrer le bout, sinon je te laisse crever dans cette fosse des anges. D'accord? Ouais. C'est pas toi qui vas. Tu m'en as impressionné, c'est tout. Tu me trouves. C'est. Comment ça? Ouais. D'accord. Qu'on soit bien d'accord l'un avec l'autre, c'est pas toi qui l'intéresse. Ah. Donc tu vas me laisser partir? Si je les attends tout que je veux, oui. À Phoenix, vous respectez la vie. À Phoenix, on respecte la vie, oui, effectivement. Il n'empêche que j'ai des objectifs. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Qui c'est qui t'envoie? Tu bosses pour qui? Pourquoi tu fais ce racket? J'essaie. C'est Don Fratone. C'est Don Fratone et c'est pour lui que je fais ça. Don Fratone, c'est qui Don Fratone? Il est où ce Don Fratone? Il est à peu près à 3 jours de marche au nord-est de Phoenix. Don Fratone, est-ce que ça pourrait être un de mes que je connais? Tu n'as jamais entendu parler de Don Fratone. D'accord. Donc c'est pas. Don, c'est pas le genre titre de Padre ou de comme ça. Ça ne dit rien du tout. Okay. Bah, tu connais pas l'idée, tu es Padre. Ouais, mais bon, j'aurais des. Silence. Donc il est extérieur de la ville. Oui. Tu l'as rencontré comment? C'est lorsque la. La chant créature a tué mon clan, je me suis enfui et j'ai réussi à... Enfin, j'ai trouvé le clan du padre et Don Fratone m'a repris en son clan. Et t'as envoyé à Félix, t'as fait retrait. Ben oui, c'est la mission pour que je puisse rentrer dans le clan, que je devienne un membre... Est-ce qu'il y a d'autres comme toi ici à Félix? Ben je crois, oui. À qui est-ce que tu rapportes? À qui est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui te donne des ordres? Don Fratone, il faut que je retourne une fois que j'ai terminé. Une fois que t'as tes tu vas sortir de la ville et devenir quelqu'un? Oui, bien sûr. Oui. T'as quel contact en ville? Moi, j'ai pas de contact en ville, maintenant. Parce que tu sais, c'est des gens qui te surveillent, c'est des gens qui te suivent par les personnes. Je ne sais pas. C'est possible. Oui, c'est possible, je ne sais pas. Je me suis jamais posé la question. Mais il faut juste que je ramène les Lux et après je peux faire partie du clan. Et enfin, je peux vivre. Je pourrais vivre au clan puisque je n'ai pas de cristal, moi, et j'ai pas le droit d'être ici normalement. Vous me tuerez pas, hein. C'est un jeune homme, vingtaine. Mais avec une seule balle. Non, bien sûr que je vais pas te tuer. C'est pas de bêtises comme ça. Tu sens que là, il y a un moment où il se sent légèrement soulagé, il était vraiment sous tension, il est toujours tendu, mais là, tu sens que ça a touché, ça, cette première. Il y a quelques bruits à côté de vous. Je regarde. Vous deux, vous arrivez à peu près à ce moment-là. Bon, tu t'appelles comment ? Je fais mon numéro de vieillard. Hein. Je m'appelle Regano. Regano, très bien, bon, c'est berger. Je ne pourrais pas m'en vouloir si je dis pas soleil sur toi, manger. Ouais. C'est pas ça, ça. Soleil sur toi, en tout cas. Ah ! Les deux, ils viennent se rendre compte que les deux autres sont arrivés, que vous êtes arrivés donc à côté et donc, que. Ils sont avec moi. Je suis mon numéro de faible, hein, de vieillard. Ouais, d'accord. Alors, tu distingues son regard au travers du fait que son visage est complètement dénué et il a l'air un petit peu inquiet. On n'est pas à l'écart, on est un peu à l'abri. Si, si, vous êtes à l'écart, vous êtes plus ou moins à l'abri parce que vous êtes entre plusieurs vertiges qui sont quasiment au niveau du sol, en fin de compte, et dans une pente. Donc, c'est pas super confortable, mais ceci dit, vous êtes plutôt tranquille. Vous entendez les bruits de l'artère juste à côté. Et comment Gibson serait été chouette si tu aurais. Nous aider un peu plus tôt, au lieu qu'on devait se chercher. On a bien galéré. C'est vrai, Gibson, c'est super sympa de venir maintenant que tout le boulot est fait. C'est bon, vous avez fini de répéter mon nom en répétition devant quelqu'un qui, à ma connaissance, fait partie de l'organisation criminelle. Au nom de Guy, du Padre, je le regarde en disant ça. C'est un bon garçon, c'est un bon garçon. J'ai déjà oublié. Un bon garçon du Padre. Mais oui, c'est un bon garçon. Non, j'ai vraiment oublié. Je ne sais pas. Je vous le promets. C'est un orphelin comme nous. C'est lui qui n'a pas eu la même chose que nous. Et c'est pour ça qu'il fait des conneries. Alors... De toute façon, Phénis, nous, Phéniciens, respectons la vie. Malheureusement, je ne suis pas sûr que l'organisation avec laquelle ils sont impliqués. C'est bon, j'ai déjà discuté avec lui, Gibson. Alors arrête le petit numéro de on va le terrifier, on a compris, là, ça va. Il n'a pas l'air rassuré du tout. Tiens, moi, c'est calmé, mais là, il a l'air vraiment reparti sur la... Alors, une chose qui est bien, c'est qu'il ne peut pas trop bouger. Hein. Il est bien saucissonné, mais il a l'air tendu. Ce que tu souris, ça va être là depuis le début. Bref. Ils sont où, donc ? Il est où, ton contact, ton fratonné ? Tu sais exactement où c'est, c'est sur le plateau de Silice ? Oui. C'est pas compliqué, c'est... Je ne sais pas si je vais vous le dire, qu'est-ce que vous allez faire en fait ? Hors jeu, qu'est-ce qu'il arrive aux personnes ? Alors on respecte la vie à Phénis, mais qu'est-ce qui se passe quand on trouve quelqu'un à Phénis qui n'a pas de cristal sur le front ? Oh, on le bannit. On le bannit. Alors ? Mais s'il a fait un crime, il y a quand même. On le bannit. Bah c'est la pire punition qui existe. Le bannissement est la pire des punitions possibles. Deux questions. On a déjà vu le rat de fleur. On a déjà vu des gens qui n'avaient pas de cristal. Certains sont autorisés à rentrer. C'est exceptionnel. Et en tout cas, ils restent en général du côté des portes. Et... La plupart des personnes qui n'ont pas de cristaux seront placées en quarantaine. On a rencontré le marcheur. Oui. Des armes. Oui. Donc il y a quelques personnes qui en général ont des sources conduits et autres. Une personne qui n'a pas de cristal dans Phénis est une personne exceptionnelle. D'accord. Donc a priori ils auront toujours un papier avec eux. Un parchemin. Maintenant, quant à savoir exactement ce qui est écrit et en quoi, qu'est-ce que ça vaut, peut-être qu'il faudrait en savoir un petit peu plus au niveau d'un gardien du feu. Ce n'est pas nécessairement dans votre fonction normale, donc ça doit devoir ce genre de source conduit. Ceci dit, après, c'est ça. Peux-tu me garder du feu ? Je peux le faire. Je peux aussi ? La question s'est posée essentiellement au niveau de merger. C'était pas, pardon, oui, de merger, c'était pas réfléchi, mais bon. Oui. Trop succès. Je vais chercher un café pour jouer à la ou quelque chose. Merci beaucoup. Olivier, tu as fait quoi de ton J'en ai fait qu'un. Écoute, il peut arriver qu'un cristal particulier soit donné pour faire sauf-conduit, mais il a des différences et quant à savoir lesquelles. Comment t'es rentré ? Je suis. Je sais pas trop. trop si je devrais vous le dire non plus. Comment t'es rentré dans Stalit? Si je vous dis tout ça, vous allez me laisser vraiment partir entier? Il t'arrivera rien. Je suis passé par la halte des ombres. On m'a laissé rentrer. Tu fais que fermer les yeux, qui t'a laissé passer. Oui. Ça va pas être facile pour toi de partir le quartier. Et pour visualiser, tu dois éviter de regarder du jeu, c'est ça? Ah bah oui, bien sûr. Bah, hors jeu, quand t'as ton chèche et tout. C'est courant que les gardiens du feu. J'imagine que ça arrive, mais. En général, quand t'approches des feux, j'imagine que tu enlèves ton chèche pour pouvoir parler. Ouais, mais... il n'y a pas de. Alors. Vous êtes passé déjà de nuit ou de journée dans des points de contrôle où il y a des foyers. Alors que ce soit des foyers réels, donc l'endroit où les gardiens se vont, ou que ce soit des foyers avec juste un bidon enflammé et un point de contrôle particulier où vous êtes apostrophé. Okay. Au cas de ça. Et là, je vais te présenter. Vous rappelez que vous êtes présenté, que vous avez discuté. Ouais. Donc il y a eu des discussions. Il n'a pas dit, vous là. Lève ton chèche. Lorsqu'il y a discussion, il est souvent difficile de discuter en plein milieu du souffle avec le chèche, etc. Donc la logique souvent, c'est de se rapprocher du feu, d'en profiter. Ça n'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Il vous est arrivé de parler sans vous dévoiler totalement, les gens vous laissent passer. Ça dépend. Mais vous faites apostropher lorsque vous passez par des points de contrôle durant des périodes où il y a moins de monde. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas un contrôle très violent. Mais en même temps, il y a un esprit de communauté dans ce que vous connaissez, à la chapelle au moins, ou à l'inventorium, qui fait que les gens se connaissent plus ou moins. Donc une personne qu'on ne connaît pas au milieu peut sortir aussi un peu de l'ordinaire. Maintenant, est-ce que c'est la même chose dans les autres parties du Stalit? Vous ne connaissez pas trop. Hein. Vous pouvez faire comme ça, arborer son personnage. Puis en même temps, je veux dire, les cristaux, quand on regarde les gens qui se baladent dans la rue, on ne les voit pas, hein, parce que en effet, les chèches, maintenant, c'est les cachets. D'accord, donc ta mission c'est de ramener 300 luxes. Ouais. Plus que ça? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes que tu fais chanter comme ça? Oui, mais j'ai pas encore obtenu quoi que ce soit, j'avais besoin d'argent. Et tu ramènes 300 luxes de toutes ces personnes-là? Si j'ai réussi à obtenir 300 luxes, au moins du grand rêve, c'est bon. Si j'obtiens plus, ce sera probablement pour moi. Mais quand tu les auras, tu feras quoi? Bah, il faut que je sorte et que je retourne dans les cavernes. Et là, il réagit à ce moment qu'on est ici. Quelle caverne? C'est la caverne de lui. Je sais pas trop si je dois en parler. C'est là quel plan? Le plan dans les cavernes. Oui. Il a révélé qu'il venait de caverne, apparemment. Il doit ramener des luxes. C'est un rite de passage pour toi à créer une notoriété ou un rang au sein du Padre? Comment ça se passe? Mais à Phénix, vous autres, les Phéniciens, vous devez avoir des cristaux, et moi j'ai pas de cristal, donc je peux pas vivre ici. Et c'est... On me rejette. Quand je suis déjà venu ici, avant, j'ai pas pu rester. On m'a mis dans ce coin où les gens mouraient et je voulais pas y être, donc je suis reparti. Et au moins, le padré, il s'occupe de nous. Il est gentil. Et puis, pour m'accueillir, il m'a demandé de lui rendre un service et voilà, quoi. Donc, d'autres sont allés, c'est le padré? Bah oui. Ça me semble cohérent que ce serait une personne, le padre, que ce ne serait pas une organisation. Je te laisse le déterminer. Est-ce que lui... Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui... Il faut être né à Phénix pour recevoir un cristal? Oui. Il faut passer l'initiation. Est-ce que, Merger, qu'est-ce que tu crois que... Si on filait à Andreas Goum, peut-être qu'il peut l'utiliser pour faire la poison. C'est qui Andreas Goum? C'est vrai que. Est-ce que. À mon avis, on peut s'engager dans le poison, même un nom cristallin. Engagez-vous qui disait. le soleil de Sirte est répandu partout pour s'engager dans la croisade, ça c'est clair. Alors est-ce que niveau légende ou histoire ou coutume, est-ce qu'il y a déjà eu ce genre de grande entreprise qui a été en partie, qui a recruté sur un thème du genre faites ça pour nous et vous accéderez au statut de phénicien ou de citoyen de Lys ou de Istan Istan et Nob. Est-ce qu'on a entendu parler de personnes qui n'étaient pas nées à Phénis qui avaient accédé à la citoyenneté? Des gens. Et tu peux faire, si toi tu préfères, tu peux le faire en religion aussi. Ok. Tu veux utiliser un point. Attends, c'est bien. Alors, 4. Une fois que j'ai dépensé ce que je viens de te suggérer. Cinq. Tu peux m'inventer une histoire religieuse qui indique qu'une personne aurait été sauvée phénix et aurait été récompensée par le statut de phénicien sans problème. 5. Tu peux me trouver une légende qui parle d'une personne héroïque qui aurait subi des combats avec des champs créatures pour sauver des blasonnés, qui éventuellement se serait retrouvée dans Phénice avec un cristal. Parle d'une personne, on parle pas d'une demi-tribu de celles que les Romains auraient dit « Battez-vous avec nous contre les Germains !» On parle plus de situations exceptionnelles que de groupes entiers. Ceci dit, ça n'a jamais été très très clair là-dessus, et la décision est une décision faite plutôt par les preneurs. Mais comme les blasonnés parfois sont inclus dans ce genre de mouvement, il y a de quoi se poser des questions. Qui est-ce qui tire les véritables ficelles et dans quel cas ça se produit? Dans le cas qui est pensé par Merlin Gérard, il s'agit d'une situation où c'est totalement logique. Nous sommes tous humains. Phénix est là comme étant la représentation du renouveau humain dans notre univers, dans notre monde. Et en l'occurrence, il faut aider les autres humains. Maintenant, les nourrisseurs ont un point de vue légèrement différent, c'est qu'on a des ressources limitées, mais on ne peut pas accepter tout le monde. Et d'autre part, il y a aussi ceux qui sont touchés par l'obscur, qui viennent de l'extérieur, qu'il ne faut pas laisser rentrer. Du coup, il y a une vérification. Donc, quand tu dis touché par l'obscur, on parle, c'est possible d'être contaminé par l'obscur? Il s'agit clairement d'une contamination, l'obscur contamine, il n'y a aucun doute. Touché par l'obscur, quelqu'un qui est touché par l'obscur est une personne qui n'est plus humaine. D'accord. Parce que c'est aussi le problème de ce genre de contrôle. Donc si ça se trouve, lui, il est touché par l'obscur, on ne sait même pas. Il y a un problème. Par contre, donc, pour revenir sur la citoyenneté, donc à Phénice, il y a Istan et Nob. Vu que leur situation est un peu différente, limite, ils sont peut-être moins regardants là-bas. Ils seraient peut-être plus accueillants parce que justement ils ont besoin de repeupler l'endroit ou quelque chose ainsi, peut-être. Bon, ça c'est ce qu'on sait, mais bon, après ce qu'on en fait, je te laisse s'en toucher. Vous n'avez pas échangé entre Non, je me suis souvenu d'une note de bas de page dans un des ouvrages du Patadonello où justement il soutenait que. L'humanité était quelque chose de commun et n'était pas juste limité aux habitants de Phénice, en prenant justement pour exemple, frater Dominici, qui au terme de plusieurs prêches particulièrement passionnés, avait réussi à prouver, notamment aussi par l'exhumation de reliques de l'Avent particulièrement utiles à Phénice. Très lumineuse. Exactement, que n'importe qui pouvait être inspiré par le phénix, et que par conséquent, n'importe qui pouvait être un phénicien de droit. Et après une procédure de quarantaine bien établie, bien mise en place et bien structurée. Ah ben, il a eu la quarantaine, il est rentré en ville, ensuite il a réussi à faire ses preuves, au fur et à mesure, il a démontré que le phénix était réellement avec lui, et suite à cela, on avait pu en déduire que le phénix n'était pas trop en regardant à la naissance que par les accomplissements des personnes. Et par conséquent, le phénix pouvait jeter son dévolu sur d'autres personnes. Et là-dessus, on sait aussi pour justifier le fait que l'on aille sauver Istan et Nob, que l'on aille aider d'autres stalites à l'extérieur, car la bénédiction du phénix n'est pas limitée à Phénix, mais peut aussi s'étendre à d'autres endroits. La grâce du phénix est partagée par toute l'humanité. Et au-delà du fait qu'il y a un moment où Berger s'est tenu un petit peu son menton en réfléchissant. Il a commencé à réciter un passage et il a déclamé une partie de ce que vous avez entendu. Une partie. Okay, bah, comme s'il parlait à lui-même. Je vais prendre à part et je vais lui dire en aparté, couvert par la souffle, ce que j'ai trouvé, ce que tu m'as dit. Toutes les infos que j'ai obtenues. Quoi. Il faut vraiment rien faire, madame. Aussi. Il fait un peu peur, lui, là-bas, il tombe bien de mal. Du coup, je me dis qu'il est intense, mais il est de bonne foi. Nous sommes tous de bonne foi. C'est juste qu'elle nous demande aussi de protéger les intérêts de gagner des Phéniciens, mais. L'humanité qui fait nous des Phéniciens. Une fille sacrée, même si elle n'est pas Phénicienne. Mais si vous me libérez, vous aimez vous libérer aux autres justifiés. On a parti. Je pense qu'au final, ce qu'on doit faire, c'est lui donner ses options et c'est à lui de faire sa décision. Bien sûr, c'est quoi les options Je lui une faute 300 luxe. Il n'y a pas une part d'autre où vous pouvez aller. Soit on le donne au gardien de feu. Ouais. Mais sans la vie. Oui, soit. Et vous connaissez ça, en gros, allez. C'est dans l'obscur. C'est sombre. J'y suis allé quelquefois, mais pas très bien. Il y a des créatures et. Et mes parents ont été massacrés par une de ces créatures. Ma sœur a été ouverte sous mon nez. Elle a été dévorée. Elle criait encore lorsque la créature était en train de manger les entrailles. Cette créature était de taille humaine, elle était petite. Mais elle avait une bouche démesurée et elle a massacré les 30 personnes de notre clan. Je suis le seul survivant parce que je me suis caché. Elle m'a pas trop. Mais le padre, lui, on m'a accueilli. Okay. Maintenant, si jamais j'ai parlé de tout ça, alors vous allez lui faire quelque chose et on va la tuer. On explique ce qu'on pense à la situation. Car moi, la famille n'était pas vraiment une famille, vous deviez payer pour vivre. Il faut comment il peut vivre, lui aussi. Retenez le moment. Dites-le-moi, c'est vous qui avez la nourriture, c'est vous qui avez tous les luxes, c'est qui avez les richesses, les endroits où dormir. C'est-à-dire, c'est pas nous. On est dehors et on meurt. La famille a été et on vit dans le noir. On n'a jamais de lumière. Qui a essayé de trouver et nos parents se sont massacrés. Vous avez des parents, vous ? C'est pas mauvais garçon, je trouve que c'est le cas. Bon, en gros, c'est mieux que les parents mourir. C'est pour ça que au dernier feu, parce que le goût, c'est un dernier feu. Ce qu'on lui dit, c'est qu'on lui conseille vivement d'adopter comme ça. Je ne sais pas si vous êtes heureux, il y a d'autres filles. Angle de sortie, mais elles sont. Et on conseille en sens. Essayez de trouver des gens pour aller les aider. Mais ce sera peut-être lui qu'on va nous aider. Il fera grâce de les aider de se rejoindre à ce groupe. Et je crois que c'est un premier pas, donc je ne sais pas comment il va. Parce que c'est là où. On va rencontrer un, je ne sais pas comment il connaît. J'ai entendu des preneurs en parler, c'est la croisade, c'est ça ? Oui. Pour partir de l'obscur. Vous croyez qu'il me prendrait ? Vous serez un héros. Un héros ? Moi ? Pourquoi pas ? Tu sais, il n'y a pas. Ça s'est déjà vu, des personnes qui devenaient des citoyens, qui devenaient des Phéniciens après la naissance. Ça s'est vu, c'est définitivement vu, mais il faut pour ça gagner sa place auprès du Phénix. Et le fait de se battre pour lui, le fait de montrer son foi en participant à la croisade, c'est un excellent moyen d'y arriver. Et cette croisade sera glorieuse, vous le savez, car les Phéniciens préparent de fantastiques machines afin de les aider. On ne va pas partir tout seul, mais on va partir armé. Il y aura des grands véhicules que tu pourras venir dans l'obscur. Une prestance influencée du vertu. Nous aurons la lumière devant nous, nous aurons des engins de siège qui vont nous aider. Et car le Phénix nous aide et nous inspire depuis plusieurs années afin de préparer tout ceci. Nous n'y allons pas juste comme ça pour envoyer des personnes vers une mort certaine. Oui, c'est clair que le Phénix ne gaspillerait pas des ressources si vous sacrifiez des gens à l'obscur. Le succès est important. Et Phénix et ses preneurs investissent avec le plus grand soin leurs ressources dans cette entreprise. Et vous allez me protéger alors? Parce que le padre, si je parle trop, il va... Mais le padre pour un patata, il faut là-bas. Une fois que tu seras au sein de la croisade, qu'est-ce qu'il pourra faire? C'est une armée, c'est ça? C'est une armée entière. Une armée entière qui part à des retires obscurs, les créatures qui sont là-dedans. Les créatures qui ont fait toi, comme nous, les orphelins. Qu'est-ce que vous voulez alors? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez pour me laisser partir, pour m'emmener dans cette croisade? Alors qu'est-ce que je dois faire? Il faut juste que tu nous dises exactement tout ce que tu sais sur le palais. Ils vivent dans des cavernes. Ça fait pas longtemps que je suis avec eux. Ils m'ont dit. T'as vécu combien de temps avec eux? Bah, ça fait quelques. Ça fait une saison. Ça fait une saison, moi, que mes parents sont morts. Ils m'ont trouvé quand j'étais parti plus vers la base du plateau, quand je cherchais des maraudeurs avec qui vivre. Ils m'ont capturé et puis sont montrés, ils m'ont nourri, ils m'ont hébergé. Ils vivent dans des cavernes qui sont à peu près à 3 jours de marche d'ici, vers la roque. Ils ont tendance à faire beaucoup de choses, mais en particulier, ils rançonnent les caravanes qui veulent aller à la roque avant de passer par le panier. Ils contrôlent surtout l'emplacement là-bas et ils sont pas trop difficiles à trouver. Vous savez, faut juste donc marcher 3 jours hein, vers la roque et puis lorsque vous arrivez à côté de la forêt de champignons, il faut la contourner par l'est sur à peu près, on va dire, 2 heures de marche et vous aurez là-bas un contrefort avec des cavernes et dont Fratone est avec le padré situé à cet endroit-là. Ça, c'est le carreau d'arbalète qui est fiché dans son cou. C'est pas agréable à voir parce que ça gicle de sang partout et c'est passé exactement entre vous deux, juste de derrière. C'est instantané à ce moment-là. Je me mets à couvert. Vous êtes dans un endroit à peu près coincé, il y a le mur d'un côté, il était accroupi ici, vous étiez tous les trois quasiment dessus, le carreau est passé entre vous deux, il y a un autre carreau qui vient de se casser pile poil au-dessus, au même moment où toi tu te relèves, faut courir, faut partir vers l'artère. Je mets à couvert. À couvert, donc il suffit juste de sauter derrière les vertiges qui sont à côté. Je dégaine mon arc et j'essaie en me cachant, essayer de voir d'où ça vient. Je vous propose, illico presto, de faire un arme et agresser pour chacun d'entre vous. Non. 2 succès. D'accord. 3. Donc absolument fidèle à ce que tu as fait, toi la réaction était instantanée, c'est partir à courir vers l'artère. C'est le seul endroit où tu as vraiment de découvert, un peu de découvert pour courir. Et c'est à peu près la direction où le carreau viendrait. Parce que sinon tu t'es couvert en fait par des vertiges et différentes bases. Vous étiez alors. Mais ce que je cherche c'est la protection de la couverture. Ah, pour toi, c'était couvert. C'est ce que tu m'as dit, mais il faut passer. Non, j'ai couvert. À couvert. Ah, j'ai mal compris. D'accord, j'ai mal compris. D'accord, partir à couvert. Donc, tous les deux, vous avez sauté, toi avant, toi ensuite, directement dans au niveau des vertiges, sous des vertiges. C'est plus le point latrine et compagnie, quoi. C'est pas très, très agréable. Toi, de ton côté, ni une ni deux, tu sors ton arc, tu te retournes et tu regardes dans une direction. Je te demande de faire un sens observé, s'il te plaît. Qui, à moi? Toi? Tu vas voir qui va te tirer dessus. Ah oui, oui, oui. Là-bas. Ok. Tchonk. Je tire l'écho que j'ai vu. Alors tu distingues, un peu à la limite de l'artère, en hauteur, une personne qui était allongée sur une plateforme. Donc tu distingues juste la tête, plus ou moins, et puis un mécanisme qui ressemble à une arme. Qui est pointé dans cette direction-là, qui n'est pas très très visible. C'est à peu près la seule chose que tu vois de toute manière, quoi. Et qui manifestement avait baissé son bras, fait quelque chose au moment même où tu distingues. Et toi, tu tires. Wow. Désolé. Ok, donc il y en a un. Combien de succès, s'il te plaît? 4. 5. Non, 4. Le carreau part directement vers la personne accroupie. et t'entends un tchac brutal par le carreau, la flèche, pardon, t'entends un tchac exactement au niveau de cette personne. Alors, elle n'est pas très très visible, hein. Donc il y a du souffle et compagnie, et t'entends un gros tchac brutal. T'entends au même moment un autre bruit qui vient de là-bas. Et quelque chose vient de se ficher juste au ras de ton visage, derrière, passe juste au ras, te griffe un peu le visage, t'as un charmant saut de chèche, et va s'incruster dans la montagne, juste à côté de toi. Et dans la seconde qui suit, quasiment, un gros mouvement se produit au niveau de cette personne, comme si elle se levait ou autre, et part dans une direction opposée. Toi, tu viens de tirer à peine ta flèche. J'ai pas réussi là. T'as tiré, t'as entendu un gros bruit, tu penses à retoucher. Vous deux, vous êtes bien couverts chacun de votre côté, avec plus ou moins de chance, c'est-à-dire que parfois il y a des choses un peu gluantes et un peu fumantes et un peu odorantes qui sont plus ou moins collées à proximité. Vous êtes plutôt bien couverts, vous pensez, et donc de ce côté-là, toi tu es en premier. Qu'est-ce que tu fais? À couvert, a priori, c'est juste à dire, mais t'es sous une. Sous une tenture de. Qui couvre le côté d'une plateforme. Okay, je crie à Pandémon. Pandémon, toute vie est sacrée. D'accord. Tu fais quelque chose d'autre? Je reste bien à couvert. D'accord. Que fais-tu? Je ne pose pas la tête. Je viens. Sans s'observer. Trois succès. D'accord, tu distingues une forme en mouvement en train de partir. Pandémon, que fais-tu? Il s'enfuit! Je vise bien maintenant. D'accord. Je prends un bien souffle et j'essaye de viser dans les jambes. Tu ne vois pas les jambes? Ah oui. Il y a vraiment de la distance. Hein. Là, je te parle de probablement de l'équivalent de 4 personnes, 3-4 personnes en termes de distance, qui étaient à une plateforme au-dessus, qui était pas vraiment accroupie, mais carrément allongée, et qui était. Donc, pointer leur direction dans le sens où tu vois vraiment que la tête parce qu'elle est devant, quoi. Elle est éventuellement avec un peu de mécanisme. Et donc, quand toi t'as tiré en plein dessus, mais tu ne le vois pas vraiment parce que, à venir, 10 cm en haut, en bas à droite, tu ne distingues pas cette distance-là, quoi. T'as entendu un tchac clair quand t'as tiré, lorsque t'as touché la cible, et il s'est produit ce qui s'est produit, et puis cette personne est en train de partir. Est-ce qu'il ressemble à une licorne? Et disparaît. Pardon? Est-ce qu'il ressemble à une licorne? Pas visible à cette distance. Donc toi, tu prends ta corde à ton arc, tu vises, etc., mais cette personne disparaît dans la soupe, derrière directement les constructions. Je ramasse mon... Donc tu ramasses, pardon, tu récupères ton carreau, etc., c'est ça? Et tu vas sur place, flèche. Flèche, pardon. Je fouille rapidement le gamin. Tu récupères, tu fouilles le gamin. Il n'y a pas rien. Donc pour vrai, ce que tu trouves, en effet, c'est une flèche très courte, large, avec une triple pointe bien taillée, de bonne facture, qui a littéralement traversé la gorge du gosse, qui a perforé en partie la pierre et la terre derrière, provenant, tu sais, de la surface de la montagne qui monte. Sans difficulté, c'est passé comme dans du beurre, quoi. Il a un trou quasiment béant au niveau du cou. Les dégâts sont significatifs. Je ferme les yeux, je suis en bras sur le front, et je dis lumière sur toi, gamin. Et je dis bon, on part d'ici. Vite. Lumière sur toi. En fouillant très rapidement, en fin de compte, tu trouves au plus. C'est plus un indice que je cherche, tu vois pas. Ouais. Tu trouves plus, je veux dire, des vêtements de très basse facture, et éventuellement, qu'on s'appelle une ceinture en cuir qui sort un peu de l'ordinaire, qui est portée sur lui-même, quoi, avec une marque, mais enfin, rien de transcendant. Une marque. Genre, deux griffes, tu sais, griffées directement dessus, et puis le système d'attache, c'est avec de la corde anglaise. Ok, on part. Il a même plus de. Il a même des lettres. On part le foyer le plus proche, là. On part le foyer le plus proche. Donc vous l'avez tous les deux, la forme a vraiment disparu, le Pandémon est un peu aux aguets. Je prends Pandémon par la main. Je prends Pandémon aussi. Lila, elle va être en danger? Non, ça arrive avant. D'accord, donc vous partez plutôt rapidement, vous retrouvez vite au niveau de l'artère. Pour passer à l'artère, vous passez sous la plateforme où une flèche est fichée pile poil dans la plateforme elle-même, en fait. Donc ça a tapé juste sous la personne qui serait dessus. Donc ça a tapé vraiment dans le bord. Le gars a dû la prendre juste là. Et elle dépasse un petit peu. Bon, enfin, vous passez, vous la voyez pas trop, donc ça dépasse un peu, c'est tout. Vous arrivez au niveau de l'artère où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Mais tu pourrais penser, c'est le tir en cloche. C'est quoi le tir en cloche? Bah, t'as quelqu'un qui est ici, et tu fais. Donc, vous arrivez au niveau de l'artère qui est vraiment très très bruyante. Il y a beaucoup de monde autour, à droite et à gauche. Les nourrisseurs sont en train de décliner les différents produits. Il y a des preneurs qui commencent à parler, qui parlent beaucoup et qui essaient d'attirer l'attention des gens autour, en particulier sur le soleil de Sirte et sur les bienfaits de Solar et du Phénix. Il y a beaucoup de vendeurs à la sauvette. Il y a des gens qui passent à droite et à gauche et une ribambelle de souvenirs. Il y a aussi des porteurs qui passent avec leur petite cabine en courant à droite et à gauche. Je les guide pour serpenter un peu pour qu'éventuellement, si quelqu'un essaie de me suivre, on le perdrait dans la foule. D'accord, donc vous serpentez un petit peu, etc. Alors, la largeur de l'artère n'est pas une largeur de l'autoroute, hein, comme on pourrait l'imaginer de nos jours. Il s'agit de quelques mètres, hein, de l'équivalent de 3-4 personnes en longueur allongée qui couvrent ça. Donc, vous traversez un peu cette foule, faites un peu des zigzags, vous arrivez rapidement, en fin de compte, au niveau des escaliers qui commencent à monter au niveau du volcan, qui vous amène vers les différentes coulées, vers les points de contrôle aussi. Premier foyer qu'on se trouve, le but c'est d'aller au foyer le plus proche. Alors en fait, vous ne connaissez pas les endroits, c'est pas sur les foyers, mais vous savez que vous avez mis un point de contrôle à mi-chemin en des escaliers, avec un gros bidon, quelques gardiens du feu autour, et qui gardent. Donc vous grimpez. Tu veux faire quoi, Gibson? Je pense qu'on doit raconter ce qui vient de se passer à Goon. Tu veux demander, ouais. Vous avancez l'escalier, vous sortiriez de la foule, si vous faites ça. Bon, ceci dit, il y a du monde dans l'escalier. Il y a des personnes qui passent, qui descendent. Ouais, bon, voilà quoi. D'accord. Quand vous commencez à monter, petit à petit, vous voyez un peu. On regarde quand même. Vous regardez un peu directement derrière, devant. Enfin, s'il faut se concentrer sur où vous marchez, il y a du monde, et ça ne va pas tomber. Hein. Donc, un petit coup d'œil à droite et à gauche. Le petit coup d'œil derrière vous remontre un peu ce que vous avez vécu sur cette dernière journée et demie, les échafaudages, les tubes, les différents vertiges qui sont à différents endroits. Au loin, certains qui sont un peu plus grands que d'autres, peut-être l'un d'entre eux que vous pouvez vraiment distinguer qui correspond à vos grands rêves. Et au fur et à mesure que vous éloignez en temps d'escalier, vous mettez de la distance avec cette foule et avec cet ensemble d'échafaudages que vous n'aviez jamais vu avant, et puis éventuellement les montants en l'air et autres personnes que vous avez rencontrées. Et vous arrivez rapidement à mi-chemin, au milieu de la foule qui monte l'escalier aussi, hein, vous n'êtes pas seul, un endroit où il y a en effet un petit foyer qui correspond rien de plus qu'à 4 gardiens du feu qui sont couverts la tête aux pieds avec quelques veilleurs avec leurs pantalons bouffants qui tentent à pas laisser de se réchauffer à l'abri du volcan et de la souffle au niveau des bidons. Lorsque vous arrivez là, le fait que vous soyez pressé, un peu rapide, etc., semble attirer l'attention de l'un d'entre eux en particulier qui se retourne vers vous, qui vous regarde avec un air soupçonneux, mais au milieu de la foule. Donc, pas encore plus de mouvement que ça. Vous vous rapprochez lui, non? Ouais, ouais. D'accord, que fait-il? C'est un veilleur, ça. C'est un veilleur. Ok. Au gardien du feu. Il y a des gardiens du feu à côté. Il y en a d'autres. Mais c'est le veilleur que vous repérez, qui est plus devant, en train de regarder arriver. Lumière sur toi, veilleur. Lumière sur vous. Nous venons d'assister à des actes et des événements que nous devons rapporter à un gardien du feu que nous connaissons. Quel serait la meilleure moyen? Géant. C'est Phénicien veut te parler. Un gardien du feu un peu costaud arrive avec une lance. Je connais sa réputation d'une façon ou d'une autre. Tu me gardes du feu. C'est plutôt relation, ça, non? Vous avez relation gardien du feu, oui. Bah, j'ai relation tout court, relation chapelle, je suppose qu'on n'est pas encore à la chapelle. Alors, relation tout court éventuellement. Je pense que c'est relation tout court, c'est pas grave, c'est pas coutume. Tu as joué à deux? J'ai des succès avec une gardien du feu, donc. Ok. Rien, comme tu peux. Deux succès gardien du feu, quand tu regardes le gardien du feu qui se rapproche, ce que tu distingues avant tout, c'est que son arme a plusieurs encoches qui sont parfois utilisés par certains des gardiens du feu pour montrer qu'ils ont arrêté plusieurs personnes ou qu'ils ont été dans des situations, je veux dire, un peu plus costauds. Au-delà de ça, je veux dire, qu'est-ce qui distingue un gardien du feu d'un autre? À la limite, c'est l'étude de vêtements qu'il a accompagné, donc c'est pas significatif. Oui, c'est pas... ça qui, toi, a attiré l'attention. Toi, tu n'as rien de particulier. Voilà. Donc relation, c'est connaître des individus. Ouais. Et tu le connais. C'est de reconnaître des symboles et des signes. Jamais entendu parler de ce truc-là. Lui, il a repéré ce truc en particulier, venant de ce gardien du feu qui se rapproche, sans crainte particulière, mais comme ça, Lumière sur vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez rapporté? Nous avons assis. Bah, approchez-vous là. Ouais, c'est froid. Voilà. C'est à côté, mais il est toujours. Le thorax est revenu, c'était bien. J'enlève mon chèche. D'accord. J'ai mon nez en sanglanté. Tout exploser. Donc, oui, alors il regarde directement ça, quoi, mais il réagit pas plus que ça. Et je me réchauffe sans même le remarquer en fait. Et j'ai pas l'impression de. Nous avons assisté à. Un assassinat au pied des échafaudages. Un mort? En effet. Plusieurs? Un seul à ma connaissance. Combien de personnes? Combien de personnes ont assisté à ce sein? À ce sein. Nous trois et une personne. L'auteur des faits s'est enfoui. Elle a usé d'une arbalète, je décris le carreau. Rassurant, va chercher les autres. La victime n'avait pas de cristal. Et il y a d'autres détails, mais que nous ne pouvons rapporter uniquement qu'à une de nos connaissances qui est basée à l'âtre. Donc, si de qui s'agit-il? Andreas Gould. Bien. Si vous pouviez nous faire escorter là, nous apprécierons, nous ne sommes pas sûrs si nous avons pu être suivis. Venez avec moi d'abord. Donc il prend deux autres gardiens du feu qui viennent avec lui, il laisse que les meilleurs ici, il avait envoyé quelqu'un un peu à l'écart, en descendant l'escalier tous ensemble, il y a plusieurs autres gardiens du feu qui joignent au cortège entre guillemets, et rapidement vous montrez donc l'endroit où vous avez été. Donc le cadavre n'a pas encore été découvert par qui que ce soit d'autre, donc il est vraiment toujours dans un coin, et puis rapidement le gardien du feu commence à regarder ça, commence à discuter. Qu'est-ce que vous avez vu exactement alors? Donc le corps est déjà là? Ouais, le corps est toujours là. Il n'y a rien qui a été touché. Cette personne, nous entraînons avec cette personne quand elle a été battue par un tireur à l'embusqué. Personnellement, nous craignons pour notre sécurité. Nous préférions en parler dans un endroit plus sûr, si je puis me permettre. Vous attaquez un moment de s'enfuir. Et effectivement, il y a d'autres carreaux qui traînent les environs. D'accord, il a fait quelques petits signes comme vous l'avez pu constater. Il y a 2-3 personnes qui sont positionnées derrière vous, mais qui ne sont pas en train de regarder ailleurs, elles sont en train de regarder vous. Permettez-en ou fouille d'abord. Donc il fouille rapidement. Il y a juste une remarque. Elle a un arc. Non, ça correspond pas à ça. Quand il regarde le carreau, etc. Ouais, j'ai l'arme. D'accord. Deux parties carreau, vous l'avez eu. Burman. D'accord. Donc il prend le papier. Eh, on a trouvé ça, Jean. Donc il montre la flèche. C'est vous qui avez tiré? Oui. C'est vous qui avez commencé? Non. Qu'est-ce qui se passait avec ce jeune homme qui s'est fait tuer? Ce non-félicite. Nous l'interrogions sur les points qui, comme je vous le disais, nous pouvons uniquement partager avec le gardien du feu Goon, mes excuses. Si le gardien du feu Goon nous a invité... Avez-vous quoi que ce soit qui prouve vos dires? Si vous pouvez nous amener, si nécessaire, avec... Le quoi? La bille qui nous a confiée. La bille? On a encore ça? Le cristal? Non, mais ça vous plaît. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous mettre sous scellé et lui demander une de ses connaissances de venir nous identifier. Oui, c'est ce qu'est-ce qu'on dit. Bien, autre chose à nous dire sur le sujet de la mort de ce jeune homme? Donc le tir aurait eu lieu à peu près à ce moment-là, c'est vous qui avez tiré là-bas. Est-ce que vous connaissez la personne qui l'a assassiné? Non, j'ai à peine vu son visage et... Vous avez vu son visage, il ressemble à quoi? Non, j'ai à peine vu son visage, je voyais juste le haut de sa tête. Donc tu ne l'as pas vu. À cette distance, vous n'avez pas dû reconnaître grand-chose. Vous avez tiré d'où? Vous avez tiré d'ici? Parce que c'est là qu'il y a essentiellement les marques de personnes qui ont marché au-delà des nôtres. Bien. On va les emmener s'il vous plaît. Et puis on va les emmener au foyer. Vous ne prenez pas ton bâton de marche, est-ce qu'ils me prennent mon bâton de marche? Il récupère vos armes, oui. Un peu qu'ils en ont, que vous en ayez, et vous amène à un foyer qui est le foyer du coin, qui là par contre est un endroit des échafaudages qui est fermé. Vous passez un peu de temps là-dedans, il vous amène un petit peu de soupe de règle à un moment, après quelques temps quand même. Rapidement. Ouais. Je vais mettre tous les trois en cercle et je donne une prière, enfin j'essaie de réciter une prière pour l'âme de cette personne. En disant son nom, alors. J'entends même un chant un peu religieux sur le sujet, quoi. Enfin, tu vois, je fais suivre. Ça me va, une seule question, veux-tu effectuer cette prière maintenant ou veux-tu juste un rapide GDS? L'un comme l'autre, Bon, je vais faire un rapide GD, comme ça je coupe pas ouais. D'accord. Vous voyez que je suis assez émotionnel quand même. Je vais être un peu motivé. Non. Ça, là, c'est. Représentation, c'est. On va plutôt faire une représentation, on sera un peu comme ça. Ou éloquence. Je suis plutôt éloquent, suivez-moi en représentation, non? Je fais pas mon show, hein. Je suis vraiment juste pour parler, pour recommander. Enfin, c'est d'accord, c'est le contenu ou c'est la présentation qui t'intéresse? Religion. C'est le contenu, hein, c'est le contenu. Eh ben, dans ce cas, c'est religion, tu fais religion. Ah bon? C'est ça, ok. Érudition religion. Ouais. D'accord. Je pensais plus à la clarté sur de mon élocution que à la représentation. Je fais pas des effets de manche, j'ai juste de parler clairement. Ouais, je vais plus utiliser ça parce que c'est là que t'es plus fort, c'est là que tu auras le contenu qui sortira plus de l'ordinaire par rapport à la présentation elle-même. En fait, je t'attends à te demander pour avoir une bonne idée. D'accord. Donc, tu parles d'une personne que tu connais pas, donc c'est pas nécessairement une chose très facile. Hein. Voilà. Mais en même temps, donc tu joues son âme à Phénix. Phénix. Et je fais 4 succès pour accompagner son âme d'un chant. Parfait. D'accord. Très très bien. Vous avez attiré l'attention d'un des gardiens du feu qui ne dirait une partie qui se contente d'écouter, je veux dire, derrière la porte. Pouvez-vous m'aider et vous rappelez-vous du nom de ce jeune homme qui venait de l'orphelinat de Juliana et qui. Bien sûr, Jubens. Jubens, merci. Jubens, en l'occurrence, qui est la personne qui vient un peu plus tard. L'air un peu embêté et embêté dans le sens soucieux qui arrive et plusieurs heures vont passer, il y a pas mal de temps et qui bon, bien sûr, vous, chose, ça, bien ça fait bien. Ça fait quelques temps que je vous ai pas vu, qu'est-ce qui se passe? Il est avec vous Son mentor était Gandreas. Ok. Je lui dis, nous avons trouvé un membre du Padre qui nous a donné des informations avant de se faire assassiner devant nos yeux. Nous supposons par le Padre. Je prends leur. Je m'occupe d'eux. Viens avec moi avec l'âtre. Pas besoin qu'il se soit qui nous accompagne. Merci. Comment t'as dit qu'il s'appelait lui? Jean. Lui, il s'appelle Rubens. Jean. C'est Jean qui s'appelle Jean. Non, mais je parle de c'est la personne qu'on a mort. Jubens. Jean. Donc, je crois que c'est Jubens. Je fais un salut respectueux et reconnaissant. Il vous regarde d'un air un peu méfiant, mais pas agressif ni quoi que ce soit. Quoi. Et puis, une petite tour de vous, il va retourner. Etc. Donc, on vous êtes ramené directement à l'âtre avec Jubens, qui ne dit pas grand-chose sur tout le trajet, qui vous fait passer par le pont habituel qui est rétréci, avant de passer par l'âtre, arriver à côté d'une des entrées d'un mur vide avec pas grand chose, descendre un escalier, passer dans un espèce de dédale de couloir qui n'a ni queue ni tête, avant d'arriver devant une porte qui l'ouvre, il vous fait rentrer, une salle un peu plus grande est derrière, il s'assied avec vous, il dit que Andreas n'est pas disponible, mais maintenant est un bon moment pour parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Question. A priori, je lui fais confiance, mais est-ce que c'est un ancien de l'orphelinat. Ouais, merci. Mais. D'accord, non, je te rappelle ça. Oui, je sais, c'est pour ça que je te dis que j'ai. Imaginons que ça soit un gros traiteur. J'aurais sans doute un malus pour m'en rendre compte, mais néanmoins, j'ai envie de faire le jet, de voir, parce que. D'accord, tu l'observes sur toutes les coutures et tu fais ton jet d'empathie, c'est ça? Un petit peu parano, donc voilà. Vas-y. Andreas nous demandait d'enquêter sur le padre. Je suis au courant. Et du coup, on pensait qu'il y avait d'autres personnes qui racketaient des personnes en ville. Du coup, c'est arrivé à Guyana. Et du coup, en le moment ici et là, on est arrivé sur la piste de cette fille qui s'appelle Lilia et qui est serveuse de rêve perdu. Et, le grand rêve. Oui, le premier serveur s'appelle le rêve perdu, depuis ça a changé. qui est serveuse de grand rêve perdu. Et du coup, on est allé la voir. Le rêve perdu ou le grand rêve perdu? Le grand rêve. Enfin, une barque à des échafaudages. On nous a parlé de ce type un peu bizarre, qui n'avait pas de cristal et qui avait une grande cicatrice sur le visage, qui est venu la voir. Donc, du coup, en repassant ce matin dans son échoppe, ce type-là était là, on l'a poursuivi, on a réussi à l'arrêter, on l'a pris dans un coin, on a commencé à parler avec lui. Franchement, c'était un peu garçon, il s'est grandi dans l'obscur, ce tribu s'est fait assassiner, il a été recueilli par le panneau récemment. Ouais, son plan comme ça, et du coup, en fait, le plan du padre l'a envoyé en ville, en prenant Stalite pour récupérer de l'argent, donc si tu peux récupérer là-bas, afin d'intégrer le plan du padre. Alors, visiblement, il y a quelqu'un. A-t-il parlé? Ouais, il a parlé, ouais. Il a dit qu'il y avait un type à la marge des hommes qui l'avait aidé à rentrer. Qui? Il n'a pas eu le temps. Il s'est fait assassiner. Il s'est pris un carreau alors qu'il était en train de parler. Il nous a quand même néanmoins indiqué la localisation d'un enfant de caverne. Voilà, mais il a parlé de Don Fratoné. Qui il a identifié comme étant pour lui Padre. Le padre. Ouais. Don Fratoné. Fratoné. Don Fratoné. Ouais. Et vous avez l'emplacement l'enfant du padre. Et on lui décrit ce qu'il a. Sur le plateau de Silice. Trois jours de marche. Trois jours de marche. C'est vague. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres? Un champ de champignons, tout ça. Et un contrefort. Et un tueur. Il y a d'autres. Ouais. Un contrefort. Vas-y. C'est tout. Un champ de champignons, ouais, deux, genre, là, tout comme le notaire. Il a été tué juste après ça, donc on n'a pas. Ça vous fait enlever de mémoire. Personne n'a mémoire génétique. Non, non, mais non, la semaine prochaine, on se souviendra très bien de Exactement. Donc, vous savez exactement l'emplacement. Oui. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Je suis triste pour cette personne, mais la nouvelle est excellente. Ça va l'emplacement de plein de temps. Ouais, mais il y a quelque chose qui me fait un peu peur. C'est que lui, il était tout seul relié à nos contacts ici. Mis à part le site qui avait fait rentrer. Il savait rien, mais visiblement quelqu'un le suivait très près, l'a tué, a aussi essayé de descendre, et c'est donc quelqu'un qui a laissé le mot, et qui est parti. Il est armé d'une arbalète et s'est sans servir. La question, il avait notre signalement. Les scènes d'action où ils l'ont intercepté, etc., et même on lui a parlé dans un coin. On était largement couvert. 6 mètres de visibilité, quitte à dire 10 mètres en mer de camion. Donc, bon. Avec la souffle, ils ne pouvaient pas l'entendre, donc ils n'ont pas entendu que vous répétiez. Alors, vous avez entendu. Non, non, vous avez entendu les sifflements sur une certaine distance, on a entendu un petit peu. Ils sont assez. Assez forts. C'est fait exprès. Vous avez vaguement vu les ombres et les personnes jusqu'au moment où. Ils vous ont intercepté. Il est défini depuis un moment, et il est fort possible qu'ils soient restés cachés, qu'ils nous aient regardé, la mis dans un recoin, avant de se mettre en position et de descendre. Il est très très très possible qu'on ait été vus. Même s'il n'y a pas de nom ou quoi que ce soit. Donc, Jean a une personne qui n'est pas porteur de cristal, qui pourrait être touchée par l'obscur, qui est à l'intérieur de l'initiative. Cette personne est morte, donc ne peut pas parler plus. Cette personne vous a annoncé qu'il avait réussi à passer par quelle halte ? La halte des ombres. Par la halte des ombres. Vous ne savez pas par qui, vous ne savez pas qui est-ce qu'il a fait passer. Donc il y a un trou manifeste là-bas. Et ensuite, cette personne. C'est pas une faille dans le muraille, c'est pas un passage. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Il y a une faille parmi les points de contrôle que nous avons là-bas. Et au-delà de tout ça, cette personne vous a aussi indiqué qu'il était ici pour récupérer des luxes. Il était seul, il avait 300 contacts, 300 luxes. En sachant que nous savons que Willow et d'autres personnes effectuent du racket au nom du clan du Padre. Donc il y a une infiltration qui est assez claire au niveau de Phyllis. Et Andreas vous a demandé d'infiltrer le clan du Padre, n'est-ce pas, pour essayer d'obtenir un peu plus d'informations sur ce qui se produit. Je comprends quelle est sa motivation à lui. Il pouvait rejoindre le clan du Padre, rejoindre une famille, rappeler quand il est trop jeune, mais je ne comprends pas la motivation de William. Pourquoi est-ce qu'il aurait voulu participer? Pourquoi est-ce qu'il était contraint de ramener cet argent? Surtout, quel serait l'usage pour le Padre de cet argent? Le plus évident qui me semblerait, c'est qu'ils utilisent cet argent acquis à Phénis pour le réutiliser à Phénis pour essayer de corrompre des gens. Car en dehors de Phénis, les luxes ont-ils une valeur réelle? Je ne sais pas, je ne suis pas sorti de Phénis. Le stone marche là. Je me pose la question, donc... Écoute, les marches que tu as pu faire à droite et à gauche, entre marcheurs, on fait du troc, et parfois on utilise les luxes, pas tout. Pour certaines personnes, ça n'a pas trop de valeur, pour d'autres, ça a de la valeur. Ceux pour qui ça a de la valeur, ce sont ceux pour qui passent par Phénis. C'est pas compliqué, c'est vraiment là qu'il y a le marché d'échange des luxes. Donc ce que j'ai dit se tiendrait, quoi, que mon instinct dit que si l'organisation accumule des luxes, c'est pour faire quelque chose à Phénis, c'est pas pour faire quelque chose dans l'obscur. Après, l'obscur, il n'y a rien. Il n'y a pas de civilisation. Tu pourrais acheter de la nourriture et des vivres à Phénis et la sortir. Non, d'autant que si, il y a aussi des marchands qui sont dans l'obscur, c'est une malade. Après tout, le panier, tout ce qui parle du bateau de Cyril, va d'autres endroits derrière, donc il devait y avoir du passage. Il raquette aussi des gens, enfin voilà. Il raquette aussi des gens du bateau, il raquette aussi des personnes. Pendant les caravanes qui vont à l'Europe, ouais. Qui passent par, ce qu'il a dit, un panier. Oui, dans le panier. Alors, je n'étais pas là lorsqu'Andreas Boone vous a donné les instructions. Je suis juste à peu près au courant de certaines des instructions. Lorsqu'il vous a demandé d'infiltrer le clan du Padre, il vous a peut-être dit que la fonction essayait de monter quelques tentatives pour trouver l'origine de leur camp. Et ne sont pas revenus. Ils sont morts. Donc, des tentatives un peu plus martiales qu'on a pu monter n'ont pas été très très efficaces. Vous-même, de votre côté, vous commencez à avoir des succès plus significatifs. Nous ne savions pas où ils étaient placés, nous savons juste qu'ils ont racketté. Il y en a là. Aidez à la porte. Je vous en prie, on passera. Vous arrivez à des niveaux de succès qui sont supérieurs aux gardiens du feu qu'on a essayé d'envoyer là-bas, puisqu'ils ne sont pas revenus. Je commence à comprendre pourquoi Andreas vous porte une certaine confiance de ce côté-là. Donc, pour résumer, il y a une personne qui est potentiellement au courant de qui vous êtes, qui est liée au Padre, qui en a qui a attenté à votre vie. Si c'est partie d'une organisation interne de la ville, le principe de la nouvelle serait très rapide. Ce que vous m'avez décrit laisse à penser qu'il s'agit du panier qui fait le lien entre la roque et fait le plateau de Silice, qui est à peu près à 4 jours de marche d'ici. Donc, vous avez dit que c'était à quelle distance pour aller sur la. 3 jours de marche. Si vous êtes plus rapide que cette personne-là, vous aurez probablement une bonne opportunité pour. Pour en apprendre plus. Si on en apprend plus, on peut rester plusieurs jours, plusieurs semaines. Et si cette personne arrive en place à lieu et a déjà connu l'organisation, alors que les 3 ou 4 000 autres vont arriver en effet. Sur des traîtres, leur position va être particulièrement difficile. C'est ça. J'ai l'impression que ça ne t'inquiète pas plus que ça, les parents. L'une des personnes, un des gardiens du feu qui a été envoyé, pour justement s'occuper de cette organisation est une personne qui était une de mes amies chères. Je serais ravi si l'organisation du Padre ne représentait plus une menace au Phénix. J'ai l'impression que c'est vous qui avez le plus de chances d'effectuer quelque chose. Je suis conscient que si vous avez été aperçu, il y a un risque. Maintenant, est-ce que cette personne ou ces personnes vous reconnaîtraient? La distance qui m'a été décrite par le rapport de Jehan laisse à penser que les détails d'un visage ne sont pas nécessairement reconnus. Ceci dit, tout dépend où était cette personne avant. Nous n'avons pas de ressources ni de moyens pour nous attaquer au camp de Canard. Si c'est vraiment la seule solution que vous voulez vraiment nous envoyer, je pense que la moindre des choses, ça serait de nous rééquiper quasiment entièrement, afin que nous n'ayons plus de signes distinctifs, que nous ayons un minimum de signes distinctifs par rapport à ce qu'ils ont vu. Donc que notre tenue soit des tenues différentes que celles que nous avons, que mon bâton, ce que nous transportons soit différent, son arc aussi soit donne un peu moins de chance qu'on nous reconnaisse. Donc, qu'on nous rééquipe entièrement à ce moment-là. Vous partirez quand? Immédiatement, on peut plutôt. Et de votre côté, est-ce que tu pourrais faire en sorte que toute personne qui partirait, qui franchirait une des haltes avec une arbalète, soit scrutée de façon assez. C'est ça. Et surtout sur la halte des hommes, mais pas seulement sur la halte des hommes. Ceci dit, mais les gens, tu as confiance en les hommes, visiblement, de façon. On a déjà envoyé quelques veilleurs dans le passé, quelques gardiens du feu. Maintenant, je ne peux pas vous assurer à 100% que ça a fonctionné. Je pense que, Gibson, ce que tu as avancé est parfaitement acceptable. Et je vais. Immédiatement faire part à la caserne pour vous trouver quoi que ce soit qui soit pas distinctif, non seulement les gardiens du feu, mais qui soit pas significatif de vos personnels. Je vous propose de vous déshabiller, vous mettre à l'aise, je vais m'occuper de ça. Autre chose. Hors jeu, il y a les cristaux, c'est pas l'air qui est en place, j'imagine. T'en as pas l'ombre d'une idée, mais ce que vous savez tous, c'est qu'un cristal à la mort est retiré, puisque le cristal qui contenait l'âme de Juliana a été retiré devant vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les Shran avait eu son cristal retiré. Shran avait eu son cristal ajouté provenant du cristal du marcheur. C'était le cristal du marcheur qui avait été pris et positionné sur le front de Shran. Quand on l'a banni, on l'a retiré sur leur cristal. Oui, vous savez qu'il avait été banni, c'est pour ça qu'il avait été banni, ou c'est que son cristal avait été ôté comme s'il avait été banni. Absolument. Ah, voilà, ce que vous le direz. Absolument. Ensuite, le marcheur avait été utilisé pour récupérer le cristal. Donc on pourrait bannir. C'est possible. Donc je veux dire, vous-même, quand vous y pensez, c'est possible. Oui, mais. Je ne suis pas sûr que j'ai envie d'aller jusque-là pour cette mission, je veux dire. Bah, ceci dit, pour le moment, je considère que vous réfléchissez, même si vous parlez entre vous. Bah, ça s'impose peut-être pour augmenter vos chances. Cuba, c'est sur le point de partir. Autre chose? Cette mission nous a quand même été imposée, ce n'est pas quelque chose que nous faisons. Oui, mais on essaie de survivre. Et si on arrive là-bas avec le cristal, on va Cuba, qu'est-ce qu'on peut avec le cristal? Vous pensez donc en l'occurrence que intégrer le clan du Padre avec un cristal n'est pas une méthode pour vous rendre plus intéressant vis-à-vis du clan du Padre? et donc quelque chose à utiliser pour monnayer votre passage avec lui, mais ce serait bien au contraire un problème, un risque. C'est bien cela. Question. Qu'est-ce qu'on sait sur comment on procède quand on bannit quelqu'un? Est-ce qu'on l'emmène dehors, on lui tire son cristal en dehors de Phénix et on le relâche dehors? Est-ce qu'on lui retire son cristal à Phénix puis on le fout dehors? Est-ce qu'on les emmène dans un endroit? Est-ce que ça serait possible qu'on soit des gens qui se sont évadés, tu vois, qui ont réussi à échapper à la dernière minute à ça? Vous n'avez jamais vécu le système judiciaire de Phénix qui emmène à être banni. Mais il y a clairement une procédure que vous ne connaissez pas nécessairement en détail. Je veux bien que vous fassiez une coutume de gardien du feu si vous le désirez. On va faire plus simple. Je vais demander à Gina, carrément, qu'est-ce qu'il pense qui pourrait constituer un bon départ de couverture, quitte à ce qu'on soit emmené tiré par le col par des gardiens du feu dehors et qu'on fasse mine d'avoir une échauffourée, de réussir à nous échapper. Est-ce que lui a une idée de scénario, de mise en scène qui nous permettrait d'avoir un bon point de départ? Cela devient purement une question de durée entre la mise en place du scénario, l'exécution du scénario et le fait que vous vous retrouviez à même de pouvoir partir. Si agir le plus rapidement possible est la priorité, on peut vous retirer vos cristaux rapidement et vous placer de l'autre côté des murailles sans en parler plus que cela. Après, c'est vous qui gérez votre situation. Si vous voulez faire un petit peu plus de bruit, on peut vous accuser de meurtre, vous passer devant le juge et vous faire bannir, ce qui a tendance à provoquer une perte de quelques jours. Mais il n'y a aucun scénario dans cela officiel. Il n'y a aucun scénario dans lequel c'est normal. Rien en sortant dehors, donc il faudra trouver un moyen de vous donner votre équipement pour augmenter vos chances de survie, vos chances pauvres de survie dehors. Ce qui est faisable. On va plutôt partir juste comme ça, prétendre qu'on se rebelle et qu'on en a assez. Voilà. Quelle était la stratégie adoptée par les gardiens du feu? Ils sont partis avec leur cristal et... Ils sont partis avec leur cristal incognito pour essayer de faire un repérage et trouver l'endroit où le clan du padré était. Certains ont été retrouvés morts, d'autres n'ont jamais été retrouvés. Okay. Franchement... Oui, c'est ça. Et si on sortait juste comme ça, et notre histoire, c'est qu'on était en contact avec Willow, qu'on était partant pour se faire de l'argent, qui nous avait donné... On était en contact avec Willow, il nous avait... Et qu'entre-temps, on a perdu ce contact parce que Willow, manifestement, a été abattu par quelqu'un. Et que nous, on est à la recherche de recréer ce contact qu'on avait avec Willow, mais qu'on n'a plus, quoi. Parce qu'il nous avait promis... des opportunités de se faire du luxe et c'est ce qui nous intéresse. Et on n'aime pas Phénix parce que... Parce que quoi? Parce que vous voulez davantage de citoyens de Phénix? Ça n'a pas trop de goût, il y a trop d'inconnus. On ne sait pas quelle était la relation de Willem avec le padré, on ne sait pas pourquoi il a été tué, on ne sait pas ce qui a été rapporté au centre là-bas. À mon avis, le fait qu'on arrive à notre cristal, ça va être un problème. Dans le meilleur des cas, ce qu'ils vont se dire, ils vont faire exactement comme un cheval. Ils vont voir arriver des 3 ou 4 personnes avec un cristal. Ils vont nous prendre, nous abattre, nous prendre le cristal, l'utiliser sur certains d'entre eux qui vont envoyer des gens qui ont confiance et qui vont rentrer en vie tranquillement et qui sont sous couverture. Pourquoi prendre le risque de prendre 3 personnes qui sont des électrons libres qui ne savent strictement rien? Ou alors ils vont nous garder en quarantaine pendant 30 jours, envoyer quelqu'un en ville vu qu'ils ont des contacts pour enquêter sur le compte. Depuis le temps qu'on travaille, pour Paternello, pour aider pour des personnes comme ça, ils vont rapidement remonter notre piste et ça va être fini. À mon avis, le fait de partir comme cristal, c'est fichu pour nous. Si on arrive sans, on va peut-être une chance. C'est pas la peine de regarder par terre et à votre gauche quand vous dites ceci. Vous pouvez nous parler. C'est ce que dit Jumaris comme ça. En se regardant. Pourquoi nous? Je suis désolé, mais je n'enlève pas mon... Mec, faire que je suis votre prisonnière et que vous pouvez utiliser comme rançon, mais... Je dois te faire payer ici. Je ne sais pas, les arguments de Merger sont assez convaincants. Je comprends tes réserves. Je suis partagé. Je ne sais. C'est une situation extrêmement difficile. Pour être honnête, je pense que je suis assez dévoué à servir la cité. Néanmoins, des gens dépendent de nous. Comme tu le sais, Jumain, c'est. Si l'ordre nous est donné de le faire, je ne vois pas ce qu'on peut faire contre ça, mais en attendant, je n'ai pas de grande justification pour faire courir de tels risques à moi-même et à Pandémon et Merger. Je comprends ton désir de vengeance et de justice, mais... encore une fois, nous jouons un rôle important pour l'orphelinat, des gens dépendent de nous, je ne suis pas sûr si c'est notre rôle de risquer notre vie à ce point-là. En tout cas, je ne suis pas en position, je ne trouve pas que ce soit parmi nous soit en position d'exiger quoi que ce soit de la part de Pandémon. Et exactement, qu'est-ce que l'on attend de nous, une fois là-bas, de disperser le clan du Padré à nous trois, ou... J'ai du mal à comprendre. Alors, ce que Andreas m'a dit, encore une fois, je ne sais pas lorsque j'ai discuté avec lui, ce qu'Andreas m'a dit, c'est que votre mission était d'obtenir un maximum d'informations sur le plan du Padré et d'infiltrer. Vous savez déjà où ils sont Vous savez, c'est bien au-delà de ce que nous avons fait jusque-là. C'est bien. Ceci dit, ce serait bien de savoir quelle est la taille du clan, exactement si l'emplacement de cette caverne est réel, quels sont les désirs de ce clan, sachant qu'il a déjà infiltré Fénix de manière significative, puisque des personnes peuvent rentrer sans passer par la case des gardiens du feu, sans avoir de cristal, et effectue des opérations de raquette à haute valeur ajoutée. Mais on savait déjà qu'il y avait des gardiens du feu parmi eux, je veux dire, depuis Willow, on est au courant. C'est vrai. Ce serait bien que vous puissiez en obtenir un peu plus, car si j'en vois moi déjà gardien du feu, qui me dit qu'ils ne font pas partie de l'organisation de la... Le fait est, c'est qu'on en a déjà appris pas mal en restant. Parce que vous n'en faites pas partie. En restant à Fénix également. Donc... Mais à quoi ça s'attend? Est-ce qu'ils aient une liste des gardiens du feu à jour, avec les noms? C'est une très bonne question. Et ça, je ne sais pas. Mais je sais juste qu'en envoyant des gardiens du feu là-bas, le résultat pour le moment a été particulièrement néfaste en termes de vie. Obtenir des informations dans le cadre de Fénix même n'a jamais été très très efficace, sauf depuis que vous le faites. Alors, pour répondre à ta question de l'orphelinat, j'ai un certain passé avec cet orphelinat, je ne voudrais pas le voir disparaître. Je sais aussi que Andreas Boone a positionner une personne là-bas dans l'objectif de s'assurer que l'orphelinat continue. Connaissant Andreas, je serai franc, je n'irais pas penser qu'il a fait ça uniquement de bon cœur. Mais il ne l'aura pas fait seul non plus. C'est pas un gardien du feu qui va gérer un orphelinat. Je pense qu'on ne s'occupe pas de ça. Peut-être pas aussi bien que ce que j'ai dû faire de ta part. Oui, voilà ce qui... Désolé d'être un peu direct et cynique, mais justifie que je demande une certaine contrepartie si moi-même et éventuellement d'autres personnes prenons les risques que vous me demandez de prendre. l'équipement sera fourni, il faut absolument qu'on se clôture cette porte. Je parle de contrepartie, pas seulement pour le succès de notre mission, pour les contrepartie pour les résultats que nous allons obtenir, ou pas, juste pour le risque que nous prenons. Contrepartie, pas pour ma personne, mais bon, encore une fois, une contrepartie supplémentaire pour l'orphelinat. Ouais, exactement. Je suis ouvert. Il y a tellement d'enfants qui ont besoin de notre aide dans cette lutte. Et nous avons déjà. Si nous pouvions l'agrandir, si nous pouvions bénéficier de plus de fonds ou plus de poids auprès des preneurs, que comme nous n'aurons plus de personnes, plus d'aide, plus de ressources, nous ne serions pas tout seuls, quoi. Bien, je ne suis pas en position de faire des promesses moi-même. Mais par contre, j'en parlerai en LSB. Si vous revenez avec un certain succès, je suis convaincu que je ne pense pas sur ce terrain. Que ce soit au moins d'approcher les preneurs qui ont des possibilités ou les blasonnés qui ont des possibilités sur le terrain. Nous vous mettrons en contact avec eux. Par le gardien du feu dans les différents foyers afin qu'ils nous aident à mettre des gens dans plusieurs endroits. Enfin, je ne sais pas, mais dans tous les quartiers de ce stade, dans besoin de notre aide. Rappelez-moi, enfin, n'oubliez pas qui je suis. Je viens de l'orphelinat et j'ai été placé ici. C'est bien, c'est pour ça que je t'en parle. Ça se fait, on le fait. Enfin, Andreas le fait. Et quand j'obtiendrai des positions significatives de mon côté, c'est ce que je ferai aussi. Et j'en suis totalement convaincu. Agrandir l'orphelinat, ouvrir d'autres portions, c'est peut-être quelque chose qui pourra être bien débattu, peut-être par toi-même, avec des personnes qui ont les possibilités, que ce soit des blasonnés qui ont un peu plus de fonds, ou que ce soit des preneurs. Et ça, on peut s'assurer que ça se produit sur notre côté. Bon, il y a quand même des statuts, il n'y a pas juste des fonctions dans Phénix. Absolument, dans il y a des niveaux pour chacun d'entre eux. Ok, dans quelle mesure... Je ne pose pas la question à lui, c'est ce que je sais. Dans quelle mesure on pourrait nous donner des statuts plus élevés qui nous aideraient justement à accomplir davantage? La théorie, il suffirait d'en parler à ceux qui gèrent vos organisations respectives, ceux à qui vous rapportez. Toi, en l'occurrence, en discuter avec le preneur qui maintenant est assigné à la gestion au jour le jour, même si c'est un petit peu un bleu, et s'assurer que lui fasse bien ça, tu montes. Mais il serait marcheur, il serait bâtisseur, il est quoi dans son orphelinat? J'ai bâtisseur. Il est bâtisseur ou nourrisseur? Je suis marcheur. Marcheur, parce que t'es là. Il n'y a pas de statut parmi les marcheurs, c'est une réputation. Bah, il n'est pas marcheur dans ce rôle-là? Enfin, non, bah oui, pour tu es un nourrisseur. T'es dans une fonction de nourrisseur actuellement. Ok. T'es pas un preneur. Je crois qu'on avait déjà créé ton personnage. Je suis marcheur, mais t'étais coincé déjà depuis quelques temps maintenant. Te monter un statut de marcheur, je vérifierai. Écoute, on va passer okay, non, mais monter un statut de marcheur, ça se monte en faisant toutes les marches. Je ne suis pas dans des idées hors jeu, mais si on me dit, je sais pas, je dis n'importe quoi, on me dit, ah bah tiens, on va faire passer au niveau le plus bas de preneur, enfin, ou de personne qui a un statut qui correspond à ce que je fais, ou en tout cas, un statut qui serait d'un usage pour l'orphelinat. Demande-le directement. Bref, pour le moment, hein, au moment tu dis qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, vous êtes vague. Donc pour le moment, il y a un gardien du feu en face. Non, mais, moi je ne vis pas là. D'accord. Il est en théorie, on ne passe pas d'une caste à une autre. En pratique, pourquoi pas. Si ça se négocie avec la bonne personne, ça peut se faire. Est-ce que mon personnage, vis-à-vis des connaissances qu'il a... Toi, tu es devenu un preneur. Hein. Un nourrisseur, a priori. Tu es plus placé de côté nourrisseur. Mais tu commences à... T'as pas encore beaucoup de connaissances sur la gestion de l'orphelinat. C'est pour ça qu'il y a un preneur qui nous prend la place. Prendre sa place, le bousculer, le faire tomber dans l'escalier, prendre sa place, c'est peut-être faisable. Non, enfin, j'ai rien contre le mec, quoi. Non, mais rien contre lui. Non, mais... Ma vraie question, c'est pas... Et quant à vous, c'est monter, je veux dire, tout simplement dans les hiérarchies respectives, c'est très largement faisable. C'est utile parce que vous avez une reconnaissance. Il y a une reconnaissance de votre caste des personnes. Parce que moi, ma question, c'est surtout ça. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile pour ce que je fais dans l'orphelinat? Pour toi, c'est prendre le contrôle de l'orphelinat et continuer. Et tu prends une direction, tu le fais depuis le début. Là, pour le moment, ils ont mis un preneur sur le trajet qui fait peut-être certaines opérations, c'est pas trop concurrent, ouais. Mais tout le reste, tu sais le faire. Et qui dilue aussi tes efforts, et du coup, tu peux plus de contrôle. Ouais, parce que je veux, c'est pas prendre le contrôle du truc. Moi, je préfère qu'il y ait quelqu'un d'autre qui contrôle. Parce que je veux savoir plus de leverage quand je fais des choses. Ouais, bah écoute, tu as déjà beaucoup travaillé dans la communauté, mais t'en as pas nécessairement travaillé après dans les sphères politiques de Phoenix. Il y a peut-être des ouvertures là-dessus, mais dans ce cas-là, il va falloir travailler là-dessus. Et quand, donc, qu'est-ce que je peux dire à Jumains de faire pour me placer dans, au pied de l'escalier pour avoir plus d'influence politique. Bon, c'est un gros mot. Te mettre en contact avec les bonnes personnes et que les Galakas aient gardé les feux te soutiennent grâce au service que tu as rendu. Peut-être que si tu veux. Ok, je demande ça. Peut-être que devenir nourrisseur, ça t'aiderait aussi à avoir accès à plus de nourriture, à pouvoir nourrir plus de personnes, à faciliter en fait l'alimentation au jour le jour de machin. Enfin, je sais pas. D'un point de vue, donc il y a les statuts, donc c'est un des rôles, ok. Donc, je sais plus comment ça s'appelle des rôles, mais des castes. Des castes. Donc il y a des statuts au sein des castes, mais il y a aussi des rapports entre les castes, quoi. Absolument. Ok, donc un marcheur, c'est en dessous d'un nourrisseur. En dessous de tout. En dessous de tout. Ok, donc oui, effectivement, devenir un nourrisseur, me mettre au pied. Marcheur, c'est quasiment hors caste. Hein. Okay. C'est une certaine réputation, c'est impressionnant, mais en même temps, ça ne produit pas nécessairement grand chose. C'est plus mystérieux qu'autre chose. Donc ça me semble que ça vaudrait effectivement vraiment la peine pour l'orphelinat. Donc ça, c'est une motivation que mon perso accepte. Si ton objectif c'est l'orphelinat, c'est clair qu'être marcheur, ça n'apporte pas grand chose. Ok, donc c'est ça que je demande. Devenir nourrisseur, voir le soutien des gardiens du feu pour commencer à jouer un petit rôle de représentant de la communauté de la chapelle et surtout l'orphelinat et être en contact avec les bonnes personnes, etc. Voilà. Et qu'on m'apprenne à lire et à écrire. Donc je dis pas à lire et écrire, mais qu'on m'éduque. C'est qu'on m'a demandé ça. C'est fait demander. Qu'on m'éduque. Quoi. Je suis un peu mal à ce sujet, tu sais. Je suis convaincu que ça peut s'arranger, Gibson. Ok. Bon, voilà. Pour ça, je suis prêt à risquer ma vie. Mais voilà, ça regarde que moi, ça. Moi, je veux bien y aller seul dans ces conditions. C'est chaud. Bien, je vais m'occuper de votre équipement. Vous pouvez la charger, monsieur Boyce. Qu'est-ce qu'on fait pour tout ça? Moi, j'aimerais bien aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, on a chacun nos conditions. Je voudrais avoir une position de. Comment on dit ça? En anglais, hein. Ou en néerlandais. Gewartseter. Ça, c'est du gros mot. Voilà. Gewartseter. Position de. C'est vrai, il te fait. Oui, on est pas loin. C'est celui-là, oui. J'ai une équipe en dessous de toi. Superviseur. Tu veux pas ton manager. Chef. Chef. Chef. Je voudrais avoir une position de management, désolé, dans la croisade. Quoi? C'est Gibson qui dit ça. Quoi? Tu t'intéresses à la croisade? On va voir s'il y a des positions de flambeaux qui sont disponibles. On est en train de recruter qui sont. Mais il faudra passer par la caste des gardiens du feu, devenir des gardiens du feu pour faire ça. Ok, faut que j'y pense. Moi aussi j'aimerais. Mais je suis déjà impliqué dedans, mais j'aimerais avoir plus de responsabilités. Je peux faire tellement plus. Quoi, dans la croisade aussi? Mais bien sûr. Mais l'orphelinat. Phoenix out. La croisade, ça fait plusieurs mois déjà que je suis impliqué dedans. Et j'aimerais en faire beaucoup plus. Ne serait-ce que le bâtiment de l'avant qu'on a aidé à redécouvrir récemment. Et on m'a mis dehors juste après. C'est. Non, mais ça, c'est pas la croisade. Ça, c'est pour Phoenix. Bien sûr, ça fait partie de la croisade. Qui crois-tu que j'ai contacté, Gibson? C'est des ressources qui vont être utilisées par les croisades. C'est les chocs qu'on a contactés. Je vous apporte vos équipements. Revenez vivant. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider dans la direction où vous établissez. Reste la question du cristal. Mais le cristal, c'est plus. c'est de décider. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si on vous le retire, tant que au moins Andreas Gould et moi-même nous sommes là, nous ne savons comment votre mission. Vous donner un budget pour au moins trouver un moyen de recontacter directement et que ça ait un objet. Mais ceci est dangereux parce que vous trouvez cet objet sur vous aussi. Mais ça, je vous l'offre très volontiers, très facilement. Je vous demande juste ce que vous décidez maintenant. Moi, c'est décidé. Quoi ? Donc on vous retire votre cristal, bah, je m'alignerai sur ce que vous décidez. Je pense qu'on doit, on doit y aller en commun. Oui. Ouais. Moi, ouais, c'est bon. Si on inventait une histoire que nous on s'est fait bannir et que, genre, par exemple, je sais pas, c'était ma fille et que t'as pas, t'acceptes pas que je me sois fait bannir et que c'est pour ça que tu nous accompagnes, au moins t'as fait quelque chose à raconter. C'est effectivement une histoire possible. Voulez-vous y réfléchir? Et que, nous puissions aussi pour vous laisser le temps d'y réfléchir. Oui, je vais chercher les affaires, on y réfléchit, je pense. Ouais. D'accord. On a réfléchi maintenant? Ouais. Très bien. Merci. Merci à vous.